CFOU 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui est Assemblage requis. Stéphanie Paradis, rédactrice en chef du journal Zone Campus, viendra survoler le plus récent numéro. Lily Brunet-Saint-Pierre partagera ses humeurs dans sa chronique La plomb dans la tête et on retrouvera Sébastien Dulude et Voyeur, j'y suis. Assemblage requis commence maintenant. Oh, tu chantes bien. Oh, merci. Ah oui, bon matin, bienvenue à Assemblage requis en ce mercredi 16 octobre 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. On t'en dirait les studios de 6 fois 3 hier. Oui, monsieur. Oui. Ah, la la la la la. C'est du chant. C'est quoi? C'est du chant. Oui, je suis dans le chant. Tu me dis dans le chant, oui. Sûrement la brume. Oui. Il n'y a pas de brume ce matin? Non. Non. Mon petit icône de iOS 7, mais non, mon petit. À la place de dire mon petit doigt, ça, c'est mon petit icône. Mon petit icône. Hein, il mouillait, mais juste sur l'application, je pense qu'il mouille pas dans la vraie vie. Ouais, j'ai pas reçu d'eau, moi. À la place, à part sur les cheveux, quand j'ai pris ma douche. Ben, habituellement, il pleut dans la douche, ouais. J'avoue. Ça et d'autres douches. Je peux pas faire de blague de douche vaginale le matin. Hein. Oh, tu peux. Ah, ben, trop tard. Ton temps, c'est fait. Il mouille encore sur mon iPhone. Ah, oh, bizarre. Et pourtant. Pourtant, ah. Si on regarde. Ah, mon talent de détective. C'est gris. C'est gris. Toi, au moins, il mouille dans ton iPhone, mais en permanence. Hein? Peu importe si l'icône mouille ou pas. Ben, c'est étoilé. T'as eu de l'eau dessus. Un peu comme Peter. C'est un ciel étoilé. Un ciel étoilé. Ah, c'est bien dit. Merci. Donc, bienvenue à l'émission du mercredi d'Assemblage requis, où on vous présente des chroniqueurs, ma foi, majestueux. Par contre, on n'a pas Ingrid Arneberg aujourd'hui. Notre ami Angry Birds favori n'est pas là. Elle va être de retour dans quelques temps avec sa chronique La course au trésor. Sûrement pas pour la semaine de relâche, mais bon, quand sais-je, hein? Ouais, on verra éventuellement, mais on l'apprécie quand même pour autant. Oui. À 8h, Stéphanie Paradis sera là pour sa chronique Zone Campus pour le volume 9, numéro 4 de ce journal des étudiants de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Hein? Oui. Oui. Donc, on va parler de ce journal qui a du golf, je pense, en un. Hein? C'est du golf, c'est un autre sport, hein? RSEQ. C'est du golf. Rouillé. En tout cas, du golf. À 8h30, Lily Brunet-Saint-Pierre et sa chronique La plomb dans la tête. C'est une chronique sur sa vie. Donc, elle parle de choses qui lui sont arrivées. Mm-hmm. Et c'est toujours bien le fun. Suivi à 8h45 d'un nouveau réfugié de cases horaires, Sébastien Dulude, qui sera dorénavant préenregistré. Donc, on va l'avoir certainement aujourd'hui à 8h45 parce que je l'ai, la chronique. Oh là là là! On sait que ça va être là. Oui! À 9h, c'est notre chronique préférée. En tout cas, dans le top 5 des chroniques maison. Est-ce que ça se pourrait que ça soit comme ça? Est-ce que je pourrais frotter mon doigt comme ça? Tu peux? J'ai deux choix. OK. Soit c'est les instructions d'assemblage. Oh, ton top a changé. Non? Okay, ouais, okay. Ou c'est Kinky. Ah, donc ça devrait pas. On n'est plus dans ton top. Ben là, ça dépend mon top quoi. Ben le top 3, mettons. Tu le mettrais en troisième position, mettons. OK, dans l'ordre. Donc, en fait, j'essayais vraiment juste de trouver c'était quoi déjà le mercredi. Là. C'était Sex Express, ça devrait répondre là. Mmh. Et Kinky Sexy Time, parce qu'on a une case de libre aujourd'hui. Woohoo! Oh yeah! Tout le monde gagne. Voilà. Donc, si tu vas avec la famille. Dans ton palmarès, ça serait donc instruire l'assemblage en premier. Attends. Mais là, c'est très dur comme choix. C'est très, comme très le choix de Sophie, mais sans enfant mort. Écoute, il n'y a pas grand-chose qui distingue les instructions d'assemblage avec « ça existe, mais ça devrait répondre là ». La chronique véritable, vérifiable et véritable. Non, là, ça, c'est un fait, ça, par exemple. C'est un fait. C'est un fait. Je suis en train de mélanger, moi. C'est ça. C'est que les instructions d'assemblage, des trucs et astuces, c'est un fait ou c'est des faits, ça se rapproche pas mal. Mais ça explique, ça devrait répondre là, des gadgets inutiles, c'est différent. Il faudrait mettre un tableau dans le studio pour que je puisse écrire tout ça. Ça doit faire plus ou moins 7 ans que je conseille de mettre un tableau blanc dans le studio. Oui, mais je vais le mettre pour les chroniques. Ah, OK. Pas pour le reste. Juste pour que toi, c'est pour moi. Oui. Donc, on fera, pour comprendre la réponse, Kinky Sexy Time et Sex Express, ça devrait répondre là, dans l'émission d'aujourd'hui. Je le savais, c'était marqué devant moi. Yes, oui, en effet. C'est pour à travers des pop-up que je comprends pas. Quelqu'un a mis des virus sur l'ordinateur du co-animateur. Oh non. Ah, ça nous apprendra d'avoir un ordinateur en public. Voilà. Mais on va commencer l'émission, on va faire Kinky. Juste là, Kinky, pour commencer l'émission. Avec une chanson. La tienne. Oui. La mienne aussi. Une chanson que je ne peux ne pas entendre, que je ne peux pas ne pas entendre. Tu peux pas ne pas. Double Negation. Ouais. The Cat Empire. Ah, la petite chatte. Ouais. Avec, tantôt, tu faisais des symboles, des signes de doigts qui se flattaient. Là. Oui. Moi, ça va être un autre genre de signe avec des doigts. Oh. Ben, flatter mon chat. Oui. Puis lui donner de la bouffe. Ouais. Puis l'eau. Je vais me dandiner les épaules. Okay. 4 steps in the morning, 2 steps in the day, 3 steps in the evening, and the darkness is ablaze, and all the angels, seats, and soldiers come step to the parade. I run out like a cheetah, the monk is in the blood, and what a piece of work is man who screams the name of love, but all his brothers, cousins, sisters, and others hear his fuzz. What none can dream, but light calls it a lie, and all the sinners, saints, and winners just wink and walk on by. A Brando's in the forest, a Nancy's in the flood, a black swan makes a pirouette, the gods cry from above, and all the rain keeps falling on bare feet in the mud. On a besoin d'une mascotte. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de chant en studio? Je regarde des anciennes co-animatrices à moi. Je sais pas si vous vous rappelez la maison de Stéphanie Gagné, qui co-animait les Palmarès Sifo avec moi dans le temps, mm-hmm. et qui est la raison que je me mêle entre Stéphanie Paradis et Stéphanie Gagné en Londres. Elle a un chant en studio. Oh, en écoutant The Cat Empire. Oui. Ok, je l'aime cette chanson. Oui, ben là, t'as évité le sujet. J'ai dit un chant en studio. Pourquoi qu'on n'a pas ça? Mm-hmm. T'as pas vraiment répondu à ma question. On a besoin d'une mascotte. Voici, parlant de chatte. Kinky Sexy Time. C'est difficile aujourd'hui. Oui, les liens sont douteux. Oui, ma foi. J'arrive pas à faire de liens dans ma tête. C'est pas grave. C'est sans queue ni tête. Queue de chat. Queue de chat. Donc, commençons Kinky Sexy Time avec une question facile pour toi, Jean-Philippe. Tu vas devoir deviner qu'est-ce que la dendrophilie. Dendrophilie. Dendro, c'est un peu comme la gangrène, okay. mais plutôt dans le bas du dos. Le dendro. Dendro. OK. Rien à voir avec les dents, donc. Non. Okay. Non, donc, dendrophilie, c'est la préférence des arbres comme partenaire sexuel au lieu d'un humain. Ah, oui. Ouais. C'est ça. Les hommes troncs. t'as pas pu. Plus de la moitié de toutes les dépenses sur Internet est en rapport au sexe, estime-t-on. Donc, l'Internet, évidemment, a des chats, a des fées, a des paquets d'affaires, super le fun, mais la moitié de l'argent qui est dépensé est en rapport avec le sexe partout dans le monde. Ensuite, il y a des tribus où les jeunes... mâles, les hommes, si on veut, comme, appelons-les comme ça, consommaient le sperme des personnes âgées pour attraper leur pouvoir, si on veut. Donc, il y a des tribus en Papouasie-Nouvelle-Guinée qui considéraient le sperme comme quelque chose de sacré. Donc, les jeunes hommes performaient des relations orales sur les plus vieux. Les vieillards. Croyant qu'amener ça... Ouais, c'est ça. Wow! Super, hein? Une belle tradition que c'est le fun qu'il soit perdu. C'est ça. C'est une toast, là. Ah! C'est excellent. Oui. Tu peux te boire la pinotte d'un bar, ça de l'autre. Ouais. Mm-hmm. Une personne peut attraper le cancer en faisant justement des relations orales. Des relations orales. Donc, on peut contracter le human papilloma virus, le papillome humain. Ça? Oui. Genre. En performant des choses orales comme ça. Donc, sur quelqu'un qui a déjà le virus, et ça peut mener au cancer de la bouche et au cancer de la gorge. Donc, on dit pas qu'on devrait pas faire ces choses-là et avoir du plaisir, mais il faut être... faut faire des précautions. Les précautions, exactement. Avenant. Oui. Ça se dit-tu? Le calendrier de l'avenant? Oui. Ça vient d'être là, je pense. Il y a une étude qui nous apprend que les relations orales sans condom peuvent améliorer la santé d'une femme. Donc, les relations orales, c'est bon pour la santé des femmes et ça les rend en fait plus heureux sur une nouvelle étude qui a étudié les trucs chimiques dans le sperme qui changent l'humeur de la femme. Donc, la State University de New York, voilà, donc une étude qui s'est passée là-bas. C'est les scientifiques donc, qui nous apprennent via sondage et non via expérience pratique. Ils ont comparé les vies sexuelles de 293 femmes par rapport à leur santé mentale. Et c'est ça. Donc, c'est ça. Il y a des antidépresseurs qu'on a déjà appris dans cet fait à un moment donné ou dans King Sexy Time. Et puis, c'est quand même assez intéressant. Ensuite de ça, un homme a été forcé à marier la chèvre de son voisin. Ah! Donc, la chèvre de M. Seguin. De M. Seguin. Ouais. Seguin. Hein. Oh, Seguin. C'est bizarre, Seguin puis Seguin. Seguin. Seguin? Je sais plus. Je sais plus. Claude Dubois. donc, on dit que ça se passe sûrement aux États-Unis, mais non, ça s'est passé dans le Soudan. Et donc, en 2006, un homme là-bas a été découvert en train d'avoir des relations avec une chèvre. Le propriétaire de la chèvre, donc qui était le voisin de l'homme, était évidemment offusqué. Et donc, il a amené ça au tribunal des vieilles personnes, des elders, des sages de la ville. Là-bas, ça se passe comme ça. Donc, ils lui ont dit qu'à la place d'amener le gars à la police, ce serait mieux si l'homme était forcé à se marier à la chèvre. Parce que vu que les hommes là-bas peuvent seulement avoir des relations sexuelles avec leur femme, s'il y a eu des relations avec une chèvre, ça veut dire que c'est sa femme. Mais voilà. Donc, tu la maries. Hein? Et puis, c'est ça. Donc, ça lui a coûté environ 15 000 dinars parce qu'il faut que tu payes là-bas aussi pour le mariage, on dirait quelque chose comme ça. Donc, ça lui a coûté environ 50 $ américains. Et puis, malheureusement, la chèvre est morte de façon tragique en 2007. Elle s'est étouffée sur un sac de plastique. Oui, avec un sac de plastique. En tout cas, si ça te tente, ce midi, on ira dinar. Dinar ensemble. Dinar ensemble. Oui, c'est ça, ça va coûter 15 000 dinars pour notre dîner. 50$. Ouais. Un homme, tu sais, parlant de relations sexuelles avec des animaux, un homme a eu des relations avec un chien mort devant les enfants d'une garderie. C'est un homme de 44 ans qui reste en prison encore aujourd'hui à cause de sa bestialité après avoir eu des relations avec un chien mort. Ce qui est pire, c'est qu'il a fait ça comme ça devant des enfants et ça dit que c'était avec le chien de sa copine. Et l'acte a été vu par des officiers de la police et plusieurs personnes de la garderie. Il a été trouvé coupable en cour. Et apparemment, il va avoir à servir 15 ans en prison, sans aucun chien, malheureusement pour lui. Non. Aucun chien. Il trouvera d'autres choses. Ben voilà. Tiens, faire des exercices de Kegel. Est-ce que tu connais les exercices de Kegel? Comme ça en anglais. Je t'allais les muscles des fesses. Oh. C'est un exercice du pelvis qu'on appelle les exercices Kegel. Les femmes surtout font ça. C'est donc contracter et relaxer les muscles du pelvis. Donc, normalement, c'est fait pour réduire l'incontinence urinaire après la naissance d'un enfant, entre autres. Donc, vraiment, je prends le créneau d'Ingrid ce matin en faisant ça. Et ça réduit aussi l'éjaculation prématurée chez l'homme. Et ça augmente l'intensité des érections. Donc, les exercices de Kegel, leur but, c'est d'améliorer les muscles. Renforcer les muscles en s'occupant du muscle pubococcygeus. La petite partie qui sert à rien. Faites ça. Donc, faites ça. On dirait, il me semble, moi, tu sais, en fin de journée, là, je ferai une partie en famille de Kegel. Oui, Kegel. On dirait Tri-Bomb. Tu joues au Uno, ouais, c'est ça. Ouais. Kegel. Ou au Scrabble. Oui. Et c'est quoi l'autre? Yadzi. Des noms drôles. Oui. Kegel, Yadzi. Je comprends pas comment ça fait que, tu sais, il y a un Scrabble à Trois-Rivières. Ouais, peut-être. Il n'y a pas de Yadzi, tu sais. Mm. Je comprends pas. On a-tu le droit de mentionner qu'il y a un Scrabble? Parce que moi, j'ai pas entendu parler qu'il achetait de la pub ici. Hein? Ah, ben, mais écoute. Je suis pas sûr qu'on pourrait non plus, ensemble. Mais moi, là, ce que je me suis toujours demandé, là, ouais, c'est que quand tu vas au Scrabble Bar, tu sais, au restaurant, mettons, t'as la carte des vins. On dirait que ouais, c'est ça. C'est comme si tu l'as pratiqué à l'avance. On dirait. Tu Scrabble, y a-tu une carte des vins? De vin? Hein? Oui. Il y a peut-être un... Puis là, on était rendu au sommelier. Au sommelier. Attends, on a oublié de placer la... Assez, apporter votre verre. On va apporter votre verre. Sommelier, donc? Oui, oui. Somme toute, sommelier. C'est en lien avec sommelier, ça. Somme toute, c'est en lien. Noun, t'as-tu... Excuse-moi, j'ai entendu une syllabe que j'aurais pas dû, je pense. Ah, je sais pas. Passe. On est pas à radio, là, pour non. Il y a des robots sexuels qui vont bientôt prendre la place des prostituées. Bonne chose, ça. Ben oui, en effet, hein, c'est moins de maladies. Peut-être qu'on va pouvoir insérer des maladies dans ces robots-là. La maladie que tu veux. Tu peux choisir ta maladie. Ah, ça, c'est le fun, ça. Sur, ouais. Le Kaggle? Les robots peuvent donc remplacer les humains pour une variété de choses, mais la prostitution est évidemment une job qu'on pensait safe, là, que les prostituées allaient pouvoir continuer de la faire longtemps. Ils étaient en sécurité là-dedans, ben oui. Stabilité d'emploi, mais c'est peut-être pas le cas. Donc, les chercheurs prévoient un futur. Les robots vont prendre la place des travailleuses du sexe dans les clubs d'Amsterdam, donc fournissant un endroit propre et sécuritaire pour avoir exaucé tous ses désirs sexuels. Le premier sex robot, qui est une poupée de caoutchouc qui s'appelle Roxy avec 3 X, R-O-X-X-X-Y. Donc, il peut avoir des vraies conversations avec son propriétaire, dont des conversations sur le football. En l'an 2050, on dit qu'il va y avoir une augmentation du trafic sexuel et un paquet de maladies transmissibles sexuellement qui vont, dans le fond, exploser. Wow. Donc, on va pouvoir remplacer ça par des robots. Et ça va être parfait pour la ville, pour amener de l'argent et tout ça. Ça va amener plus de touristes. Et ça va éliminer la plupart des problèmes de la prostitution, dont l'utilisation de la drogue, la violence et tout ça. C'est bon, le journal qui mentionne ça. Ça va être comme un peu Robocop. Si tu y fais mal, il te tue. Oui, à la place d'être Robocop, ça va être Robo... Non. Non. Oui. Oui. Non. J'ai pas entendu. Moi, j'ai rien dit. Moi, ouais. Mais j'ai sous-entendu. Oui. J'ai sous-entendu. Oh, loup, tu vas trop loin. Non, c'est moi qui t'allais trop loin, clairement. Ensuite de ça, les personnes âgées peuvent avoir de l'amnésie après les relations sexuelles. Non. C'est vrai. C'est le Transient Global Amnesia, TGA, qui est un syndrome dans la neurologie clinique où la caractéristique principale est une perte temporaire de la mémoire, mais presque complète de la mémoire à court terme. Il y a un paquet d'autres problèmes qui sont autour de ça. Donc, une personne en état de TGA va montrer aucun autre signe. Il va juste se rappeler des derniers moments qu'il était conscient et quelques faits vraiment comme encodés dans sa mémoire comme son propre nom. Et il ne sera pas capable d'établir de nouveaux souvenirs. Donc, généralement, il va avoir l'air mentalement alerte et complètement lucide, possédant la connaissance complète de son identité d'elle-même, cette personne-là. Mm-hmm. Par contre, après avoir eu des relations sexuelles, étant donné qu'il ne peut pas créer de nouveaux souvenirs, il ne se rappelle pas. Il ne se rappelle pas. Non. Fait que, ah ouais, bébé, viens ici, on va recommencer, ça. Sans arrêt, ça fait des belles nuits, ça. Le Bubble Baba Challenge est une course annuelle en Russie où les compétiteurs se promènent sur des poupées gonflables à la place de bateaux. Bubble Baba Challenge. Mm-hmm. Intéressant. Est-ce que tu penses qu'ils rentrent... Parce que mettons, tu prends des courses de citrouille, hein. Tu creuses ta citrouille, puis tu rentres dans le trou. Tu penses qu'ils font la même affaire dans le. Eh, méchant gros trou, ça. Hein? Ça doit être parce que le monsieur, il se rappelait pas, fait qu'il l'a fait mille fois. Oui, c'est ça. Enlarge your ass rack. Oui, c'est ça. La mèche un petit peu ouverte, plus de. Ouais. Les hommes produisent un meilleur sperme lorsqu'ils regardent de la pornographie, mettant en vedette des hommes et en fait plusieurs hommes. Intéressant, plusieurs hommes. Donc, et c'est vrai pour les hommes ou les mâles de plusieurs espèces. Ah. Vas-y. Non, j'ai fait ça. Ah, OK. Lorsqu'il est entouré par plusieurs mâles qui sont en compétition avec lui, donc la qualité du sperme de l'homme va augmenter pour compenser pour la compétition. Ça améliore apparemment les chances de procréer. Et dans l'étude, les hommes hétérosexuels ont fourni des échantillons de sperme en regardant des photos explicites de soit deux hommes et une femme ou trois femmes. Et même si le nombre de sperme n'a pas différé entre les deux groupes de tests, les hommes qui regardaient les images de deux hommes produisaient du sperme de meilleure qualité. Ah ben... C'est vraiment la compétition avec les autres hommes. Les autres hommes. Sans liaison. Parce que, c'est un combat de coq. Oh! C'est pas illégal, ça? Oui. Tant qu'on sait pas. L'important, c'est de pas te faire pogner. C'est ça. C'est comme dans Star Wars, les lightsabers. Oui. C'est illégal, ça. Parce que j'ai un laser qui me sort. Du... Ouais. La masturbation, c'est bon pour toi. Ah, merci. Oui. Je disais le titre en même temps que tu le disais. C'est juste dans la conversation, ça part pas avec les faits. Là. Je fais juste te dire que c'est bon pour toi. On devrait faire une affiche ici, assez fou, avec la face à Mathieu. La masturbation est bon pour toi. Et tu pointes la personne. Et un laser qui sort du bas de la page, mais tu sais pas d'où mais tu pars. Oui, exactement. Donc, à travers l'histoire, évidemment, se faire plaisir est un sujet tabou. Là, regarde, nous autres, on en parle à Assemblage Requis parce que, Colin, on est dans une université et dans une radio ouverte d'esprit sur les sujets de discussion. On n'est pas là à parler de la voix. Hein? Hein? Hein? Voilà. Qu'est-ce que je disais? Donc, que ce comportement est souvent tabou. Mais ceux qui sont assez braves pour en parler vont découvrir que tout ce qu'on dit autour de la masturbation, la plupart des choses, c'est des mythes. Donc, se faire plaisir a plusieurs bénéfices pour la santé, pour les hommes et les femmes. Ça peut même mener à de meilleures relations sexuelles. Et ça soulage le stress. Et la stimulation de soi, dans le fond, peut augmenter votre énergie et améliorer votre, votre humeur. On dit aussi que pour les hommes, ça améliore votre système immunitaire. Ça va augmenter la résistance à l'infection de la prostate, donc ça va vous mener à une meilleure prostate en général. Les hommes qui se touchent plus de 5 fois par semaine ont moins de chances de développer un cancer de la prostate. Je trouve ça beaucoup, hein, quand même, c'est 5 fois par semaine. Okay. Pour les femmes, c'est résistance améliorée aux infections. Yeast infection, c'est... yeast, c'est quoi déjà l'affaire que les femmes peuvent avoir, hein? Hein? Yeast? Non? Tu vois? Bref, ça dit que ça va combattre la tension prémenstruelle et les conditions physiques comme les crampes et l'augmentation du sang dans la région du pelvis va soulager les douleurs des menstruations et les maux de dos. Voilà! Quand même, je cherchais mon yeast en même temps que je parlais. Alors, c'était quoi en français? Attention, ça s'en vient. Je pensais... Levure? Non, sûrement pas. Candidose? Non, sûrement pas non plus. Je sais pas. Bizarre. Étrange. Étrange. Et puis, finalement, tiens, est-ce que tu sais ce que c'est? Stangblaz. OK, ça, c'est quand t'as un petit kiosque. Un stand. Oui. Gblaz? De petits cups pour récupérer le sperme. Ah, cool! Non, c'est en Allemagne. C'est une fille qui est assez petite pour pouvoir faire une... fellation à un homme sans avoir à changer de position. C'est ce que je disais. C'est Stangblaz. Stangblaz. En Allemagne. Petite cup. Oui. En français, ce serait Standing Blower. Ah, OK. Oui. En français, je vous laisse comprendre par vous-même. En français, ça serait la mangeuse d'hommes. Oui. Debout. Oui. Voilà pour Kinky Sexy Time. Ouais. Pas sûr. J'ai chaud. Aussi, c'était gênant un peu comme chronique, comme toujours. Donc voilà, on va continuer à Assemblage Requis dans quelques minutes. Avant ça, une petite pause et au retour, Stéphanie Paradis. Oui. Et sa chronique du Zone Campus. Restez là. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, c'est toujours Assemblage Requis. On se mercredi 16 octobre 2013. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Il est Mathieu Plante. Mm-hmm. 7h58, 59 presque. Et ça va être le moment bientôt de la chronique Zone Campus. Stéphanie Paradis vient d'arriver. Oui. Oui. Hello. Je suis là. Ben oui, ben là. Bon matin. Bon matin. Tu sais, que c'est ça. Hey, en plus, on a Véronique Mire en studio au loin comme ça. Oui. Les deux chroniqueuses du mercredi 8h en alternance. Je commençais à penser que c'est la même personne, tu sais. Ben oui. Parce qu'on les voyage jamais en studio. Comme Marcel Leboeuf et Fred Caillou. Voici Bradycardi, Supernova. Ouais. C'est pas la fête à Steph? Comme une supernova. À chaque fois j'entends ton nom, l'univers en expansion me ramène à l'horizon. Une sur ma tête me ramène à cette quête que moi je vois apparaître. Une cupide sur ma tête me ramène à cette quête que le début de cette vague. Constellation sans aucune Supernova par la formation locale Bradycardie à Assemblage Requis. Maintenant, accueillons Stéphanie Paradis. Trop de mots qui finissent en « i ». Il n'y a jamais trop de mots qui finissent en « i », comme « biscuit ». Biscuit. Voici la chronique du journal Zone Campi. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. Bon point pour le pluriel et le singulier. Je pense que t'as peut-être raison là-dessus. Un journal Zone Campi. Un Zone Campus, plusieurs Zones Campi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Merde. Prépuce, prépi. Ben, moi, je pensais plus à stimulus, stimuli. Oui. Détritus, détriti. Détriti. Donc, Stéphanie Paradis, rédactrice en chef du journal Zone Campus, qui est là pour nous parler du volume 9, numéro 4. Bon matin. Bon matin. J'essaye de... De prendre ta place en studio. Donc, sur la lune, on trouve du golf. On va en parler en sport plus tard, mais commençons en actualité un peu. Pourquoi pas? Donc, ouais. À part de ça, toi. Ça va bien? Tu m'as dormi, toi? Ouais, non, pas tant. Ah, OK. Mais la clinique universitaire, polydactyle communautaire, par contre, a bien dormi sur ses pieds. Ouais, en fait, non, elle ne dort pas. Non. Car c'est un projet qui se démarque au Gala Force à venir, mon cher. Mon cas. On dirait genre une mauvaise infopub d'école secondaire. Il se démarque, mon cas. Allez, viens. Donc, le 2 octobre dernier, Angelo Macaluso, bon, excusez l'accent, là, et ses collègues du programme de médecine podiatrique ont reçu une bourse de 4 000 $ à l'occasion du Gala Force Avenir. Donc, c'est dans la catégorie Avenir Santé que ces étudiants de l'Université du Québec à Trois-Rivières, donc l'UQTR, se sont démarqués avec leur projet de clinique podiatrique communautaire. Donc, ça, c'est installé dans l'accueil Bonneau. Donc, pour s'occuper des pieds de ces gens-là. C'est-tu pas merveilleux? Ils font ça gratis. Bonobono, sais-tu jouer du pied? Bonobono. On revient sur l'Assemblée générale de la GAQTR qui avait lieu au début du mois. Oui, donc la Charte des valeurs québécoises a été abordée durant l'Assemblée. Malheureusement, à un moment donné, on n'a plus le quorum, fait qu'ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout des choses avec la Charte des valeurs québécoises. Mais de toute façon, il y a des étudiants... qui se sont prononcés sur le fait que c'était beaucoup trop rapide pour prendre une telle décision, alors que tout le monde n'avait pas nécessairement toutes les informations pour prendre une décision par rapport à la charte et que, de toute façon, 60 personnes, c'était pas assez pour prendre une telle décision. Donc, ils vont revenir éventuellement dans une autre assemblée sur la Charte des valeurs québécoises. Donc, c'est entre autres le sujet qui a été abordé. On va suivre ça. Ensuite, on parle d'un projet très intéressant. Nous, on a participé à ça dans le sens qu'on est allé s'en chauffer un bol. C'est l'initiative du projet de soupe populaire. Oui, donc c'est une initiative étudiante. C'est le tout nouveau projet de soupe populaire à l'UQTR. Ça a pris son envol le 1er octobre dernier. Là, vous remarquerez, on dirait que tout s'est passé le 1er octobre. C'était la journée, hein? Oui, c'était le 1er octobre. On repart en neuf. Il y avait plein de beaux projets. La journée donc, des rentes, C'est ça. Exact. Ah oui? Ouais. Ah, je pense que oui. OK. Je pense que le premier, c'est les rentes. En tout cas. Donc, les trois organisatrices, Véronique Veilleux, Catherine Charbonneau et Frédéric Chevary, ont pour l'occasion préparé et servi de la soupe gratuitement. Donc, elles étaient installées à l'extérieur entre le pavillon à la vie étudiante et l'art des Patriotes. Et les trois étudiantes du baccalauréat en loisirs, culture et tourisme ont rempli les bols et les estomacs de la communauté universitaire. Très intéressant. Éventuellement, on va avoir de nouvelles éditions. En fait, c'était supposé être hier. Moi, je les ai pas vus, malheureusement. Non plus. Moi, j'avais vraiment hâte de manger de la soupe avec des biscuits soda. On est allé voir et tout, il était pas là. Mais j'imagine, tout le monde a des imprévus dans la vie, donc... Moi, ce qu'on m'a dit, c'est que ça a été repoussé puisqu'il y avait trop de monde qui ne pouvait pas à cause des examens. Fait que ça va être repoussé après la semaine de lecture. Pourtant, comment tu peux pas mieux étudier qu'en ayant un bol de soupe? Mm-hmm. C'est tellement réconfortant. En plus, l'automne, comme ça. En tout cas, on prépare nos bols et on les surveille. On va garder un bol dans le bureau en permanence, juste au cas où. Bonne idée. Parlant de Frédéric Chevary, là, j'attends vraiment que quelqu'un fasse genre une activité Chevary-Vary, comme Charivari. Oh. S'il vous plaît, faites ça. Non. Ensuite, le débat qui a eu lieu à la Chasse-Galerie pour les élections municipales 2013. Débat, idée, promesse, mon cher. Donc, dans le cadre de la campagne électorale municipale 2013, donc ça serait niaiseux que ce soit une autre année, hein. La toute première tribune publique pour les candidats à la mairie de Trois-Rivières a eu lieu le mercredi 9 octobre. Donc, l'activité organisée par la GEQTR offrait aux candidats présents à la Chasse-Galerie la chance d'exposer leurs idées et de répondre aux questions des étudiants. Et je crois que si vous l'avez manqué, c'est encore possible Possibre, on aime ça, de l'écouter, oui? Via le site internet le de Facebook. C'est fou. Donc allez sur facebook.com, cherchez C'est fou. Et puis il y a le débat qui a été passé il y a quelques jours de ça. On n'a pas de temps passé d'affaires depuis, donc ça devrait être vers le haut de la page. Ensuite, Laurent Constantin, dans son texte d'opinion « Voyage au centre du campus », un automne chaud en débat. Donc, le vent dans les voiles, mon cher! T'ambitionnes, là! Donc, comme le mandat de M. Constantin est de commenter l'actualité du campus et ses différents niveaux, il a d'abord cru qu'il n'aurait pas à écrire à propos de la Charte des valeurs québécoises. Le débat aurait pris du temps à arriver, mais la conférence de presse pour l'inauguration du pavillon à la vie étudiante fut le moment où la rectrice s'est fait demander quelle était la position de l'UQTR vis-à-vis la Charte. Ou la Chartreux. Chartreux. Parce qu'il faut mettre des R partout. C'est ça. Donc, à voir. À voir. Campagne de sensibilisation. On parle des petites pancartes qu'on a un petit peu partout sur le campus depuis quelques semaines, là, d'arrêter, ralentir, faire ses stops. Ben avoir des Converse. Comment? Hein? Avoir des Converse. Avoir des Converse, les pieds, c'est les souliers. Ouais. Donc, on a moins de chances de se faire arrêter si on a des Converse? Rouge. Oh! Avec des cordons blanc. Mais j'imagine parce que la semelle est tellement plate que tu dois bien sentir ta pédale. Uh-huh. Tu sais, fait que tu peux entrer comme en harmonie avec elle. En harmonie avec la pédale. Oui. Soit un avec la pédale. C'est ça. Soit alerte, soit sûr. Donc, c'est dans le cadre du mois de la sécurité routière qui se déroule en octobre. Le service de la protection publique a mis en branle une campagne de sensibilisation pour promouvoir l'adoption d'une conduite automobile responsable chez les membres de la... Membres. Là, il y avait un app, je ne l'ai pas mis. Oui, oui. De la communauté universitaire. Je pense que c'est une bonne idée parce que quand on est sur le campus, on dirait que les stops, c'est facultatif, hein? Comme à Trois-Rivières. En général. Mais tout particulièrement sur le campus, ouais. Où il n'y a personne, je continue. T'sais. Mais on dirait aussi qu'il y a des stops à des places où c'est comme pas rapport. C'est mais c'est juste pour ralentir. Puis faut prendre le temps de ralentir dans la vie. C'est drôle parce qu'il parle de ralentir, il parle de faire ses stops, mais il parle pas de pas couper à travers le parking en grande diagonale comme tout le monde fait. T'sais. À 70 km/h. Ouais, genre. T'as peur, ouais, ça? Aussi. Peur. Donc, c'est comme des petits chemins. Il faut se promener entre les allées. C'est comme des mini-rues. Oui, mini-rues. Mini-rues. Okay. Programme de bourse étudié au deuxième cycle avec un diagnostic de TDAH. Ta-da! Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ta-da! Donc, dans le fond, c'est un programme de bourse qui existe pour les étudiants post-secondaire qui doivent vivre avec le trouble de c'est quoi donc? Déficit d'attention H. Je sais pas ce que le H veut dire. Mais... Avec ou sans hyperactivité. Ah! Donc, il y a une étudiante de l'UQTR qui a reçu cette bourse-là et elle nous parle de c'est comment étudier avec ça, c'est comment vivre avec ça dans la vie adulte. Et là, dans le fond, elle a reçu c'est une bourse de 1 500 $ avec un coaching d'une valeur de 4 400 $ pour l'aider à développer des trucs pour mieux étudier et mieux réussir sa scolarité. Donc, elle a eu un catching pour faire du coaching. Oh. Genre. Cool. C'est cool. Il y a tout plein d'autres articles autour de ça en actualité, mais on va finir avec le portrait-reportage de Myriam Lortie. Oui, donc, elle nous parle de Georges Croteau, qui est le responsable de la chapelle de l'UQTR. Donc, oui, bonjour, je cherche Dieu, s'il vous plaît. Oui. Donc, je pense qu'on le cherche, c'est parce qu'il a été relocalisé loin. Dans un bas-fond, dans les bas-fonds. Donc, c'est dans le 00 quelque chose de Suzor côté. Si vous avez pas, c'est où? Tu sais, la place où on va chercher les clés. Ah oui. Ou prenez le tunnel, puis à un moment donné, prenez la flèche Suzor côté. Vous allez arriver directement dans son bureau ou dans la chapelle. Donc, justement, elle commence en disant « J'ai bien eu du mal à trouver la chapelle dans l'université. » La chapelle, oui, il y a bien quelque part dans les confins de l'UQTR. Donc, très intéressant de découvrir cette chapelle-là, ainsi que la vie du responsable Georges Croteau, qui est, mon Dieu, tellement gentil quand il fait sa tournée de sucre à crème. Non, okay, oh, mon Dieu, on l'apprécie tellement. Il est-tu bon son sucre à crème? Oui. Ah, c'est l'enfer. Puis là, ben, tu sais, on est comme, ah, les morceaux sont petits, mais ils nous obligent à en prendre comme 3. C'est ça. Finalement, c'est correct. On en a pour la journée. Tu veux dire pour 2 minutes après? Là, genre, j'essaie de me convaincre, OK? Les trois me convaincre. Un dans le joue droite, un dans le joue gauche, puis l'autre dans le de la langue. Un comme un relais. Pour vrai, quand il arrive, je me dis, oh, je vais en prendre juste un, je vais être raisonnable. Là, il s'en va, je suis comme, pourquoi je t'ai pris juste ça? Alors j'ai en donné des miens. Alors que Mathieu continue à en manger sans cesse et sans cesse. Ah, moi, je connais mes priorités. Et voilà. Ouais. On passe en société. Oui, en société, Lily Brunet-Saint-Pierre nous parle, dans sa chronique « L'aplomb dans la tête », du monstrueux féministe. Le monstrueux féminisme. Finis-mre. Appuyé avec une fantastique caricature d'Alexandre Laramie Zwicky. Mon Dieu, quelle belle image du féminisme. Donc, Lily nous dit « J'ai cherché fort une façon d'aborder le thème suivant afin de susciter de l'enthousiasme. Mais c'est le genre de sujet qui met habituellement les gens tellement à l'aise qu'ils s'empressent de faire une blague un peu sarcastique, sexiste, pour détendre l'atmosphère. Et ça marche même pas. » Donc, tout à fait d'accord. Très intéressant. Allez lire ça. Comme immédiatement. On va en parler avec elle tantôt à l'émission. Oui, exactement. Après ça, tout est bizarre encore une fois avec Nicolas Gauthier. Le cas de Stonehenge. Ça se prononce une Stonehenge? Ouais, je savais pas trop, c'est pour ça que j'ai pas dit le titre. Ça, c'est comme quand j'écris l'Info Campus, puis je mets des noms bizarres à Dany qui enregistre l'Info Campus. Donc, on entend sa douce voix prononcer des mots bizarres. Moi, j'aime ça. T'aimes ça, c'est un petit défi que tu rajoutes. Ouais, c'est ça. Puis là, moi, je me dis, je vais voir si dans sa tête, ça sonnait comme dans la mienne. Comme dans la mienne, oui. Mais je suis content. Moi, je l'aurais prononcé exactement de la même façon que tu l'as dit. OK, c'est peut-être pas ça, mais au moins, on est sur la même longueur d'onde. Exact. Donc, l'histoire, cette fascinante suite chaotique de misère et de triomphe. J'adore la lire, cette histoire. C'est le parcours de l'espèce, là d'où on vient, et un avant-goût d'où on va. Néanmoins, il me semble que plus l'histoire remonte loin dans le temps, plus elle est mystérieuse, incohérente et incomprise. Donc, il démystifie pour nous un problème là, dans la construction de Stonehenge. Je trouvais ça vraiment fascinant. C'était comme une grosse énigme. Là. Puis, je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas bonne. Là. Moi, je suis pas de logique. Donc, aller lire ça, c'est très intéressant. C'est une belle énigme. Sébastien Dulude, ensuite, nous parle dans sa chronique « Va voir ailleurs, j'y suis » que c'est trop facile. Trop facile, point. Point. Très important, le point. Et j'ai toujours été un bûcheur, un type... Ben, c'est pas lui qui dit ça, là. C'est pas l'austère. J'ai toujours été un bûcheur, un type qui s'angoisse et se débat à chaque phrase. Et même les meilleurs jours, je ne fais que me traîner, ramper à plat ventre tel un homme perdu dans le désert. On va parler avec Sébastien dans deux semaines parce qu'on l'a tantôt, Sébastien, mais on est en retard d'une chronique. Exactement. Et voilà. Et finalement... Oui, ben vas-y. Moi? Ouais. Ou on fait-tu l'inverse? Moi, je dis le titre. Toi, tu nous lis... Oh non. Non, non. Donc, c'est Entre deux pôles de Kevin Godreau, mentor et élève, l'échange de la confiance et de la passion. Donc, peut-être avez-vous déjà rencontré une personne qui a eu une influence particulièrement significative dans un domaine personnel, professionnel ou social de votre vie. Un homme ou une femme passionné par ses occupations, par ses loisirs ou par les gens en général. La passion contagieuse vous a été transmise par cette personne et vous éprouvez une grande reconnaissance pour cette dernière. Finalement, Jean-François Veilleux nous parle de son manifeste pour un Québec laïque. Donc, l'actualité politique québécoise m'oblige à reporter ma chronique sur la dérive populiste et à m'abstenir de commentaires sur la course à la mairie pour 1103 municipalités du Québec. Donc, le 1er octobre dernier, la veille de son 29e anniversaire, il dit qu'il a été l'un des invités du Cercle philosophique Est-Ouest de Trois-Rivières pour une table ronde sur la controversée Charte des valeurs québécoises. Donc, il en profite... pour mettre à jour sa pensée sur la laïcité. C'est un indice, ça, décrit dans son texte sa fête pour qu'on lui souhaite bonne fête en nom. Mais moi, c'est vraiment mon genre là, d'essayer de lisser ça subtilement. C'est très subtil dans le lead d'un article, dans l'amorce, dans le premier paragraphe en gros, même. Très subtil. Peut-être qu'il va y avoir un coupon réponse dans le prochain. On verra. C'est comme l'indice houblon pour le billet de la barrique qui est en page 23. Voilà. Alors, ensuite, Hubert Sanson nous parle dans sa caricature, le fantasque que plus que jamais, on est maître chez nous. Parle de hydroélectricité ici. Ensuite, le petit Zwicky illustré nous parle qu'on s'en va... Ben, en fait, nous dessine plutôt qu'on s'en va dans une semaine de lecture. Donc, vraiment une semaine de lecture bien identifiée ici avec des jeux. Bien identifiée. Ouais. Donc, allez faire les jeux pendant votre semaine de lecture, entre guillemets. Ben, faut lire les indices du mot croisé, tu sais. Mm-hmm. C'est de la lecture. Avant de passer aux arts et spectacles et au sport, après ça, on va prendre une petite pause musicale. On s'en va entendre une nouvelle entrée du palmarès anglophone et c'est une nouvelle de Seth the Whale. Oh! Yeah! Voici Mother. À son âge requis, sourcil. Gentlemen, I try to always be a better friend. Lately I've been feeling half a man. Like maybe I should be more who I am. Maybe I should fuck something up good. Or maybe I should act like someone mad. Try to live my life like David does. But something always feels just slightly off. I'm young and maybe that's why they see me. They seem like opportunities to test my reach. But up for me and treat some others not so equally. If opportunity that I need. Cover. I hope forever. Nouvelle entrée de Sell the Whale sur le Palmarès anglophone. Avec Mother. Mother, maman, c'est bon. Comme juste pour rire. Maman. Non, c'était Maman, c'est fini. Ouais. Toujours avec Stéphanie Paradis, la rédactrice en chef du Journal Son Campus. On a fait l'actualité et la société de Toronto. Maintenant, parlons d'art et spectacle avec Keith Kuna. Donc, c'était électrisant, il faut croire. Ouais, tout le monde sorti de là avec des afros. Donc, c'était le 11 octobre. Le Centre culturel Pauline Julien recevait l'auteur, compositeur, interprète Keith Kuna. C'est un spectacle plein d'énergie qui attendait le public. qui attendait le public, hein? ensuite, tout ce que j'ai à dire. Ensuite, on parle de notre célèbre Tony of the Oven, Antoine Dufour. Oui, le magicien des cordes. Donc, tout le monde rêve un jour de pouvoir gratter la guitare, mais rares sont ceux qui le font véritablement et encore plus rares sont ceux qui la jouent brillamment. Antoine Dufour est ce surhomme dont les doigts voyagent à une vitesse ahurissante sur le manche d'une guitare. Pour vrai, c'est impressionnant. Ah! Hein? Ensuite, on parle d'un autre vétéran de C'est fou. En fait, on l'a reçu en entrevue récemment. C'est Josh, là, de So Cold. Oui, donc le 25 octobre, l'artiste multidisciplinaire So Cold sera en spectacle à la salle Anaïs Allard-Rousseau. Donc là, c'est pas passé. Vous avez encore le temps de vous acheter des billets. Donc, le 25 octobre, donc à la Maison de la Culture. Et ça, ce sera l'occasion, il prendra l'occasion pour présenter la comédie musicale qu'il a produite, The Season. Donc, rencontre avec un des artistes les plus talentueux du Québec. Donc, ici, on parle avec lui, là. Mm-hmm. Hein? On lui jase, là. On lui jase. Oui. Et faut pas confondre So Khaled avec Khaled d'Occupation Double, c'est pas la même chose. Non, c'est pas le même niveau intellectuel, je crois. Pas tout à fait. Pourquoi on parle de Khaled? Je sais pas. Parce que So Khaled, So Khaled. Mais moi, je trouve ça très drôle, OK? Parce que moi, j'étais un peu fan, tu sais, des conneries d'OD, là, sur Facebook, juste parce que c'est très drôle. Puis il y avait une photo de Khaled qui fait tout le temps comme des duck face. Puis il avait mis un gros bol de spaghettis. Pis c'est comme s'il tirait sur des spaghettis avec sa duck face. C'est tellement comme gratuit, je trouve ça tellement drôle. On est loin des filles de Caleb. Très drôle et très improvisé. Un peu comme à la Ligue d'improvisation mauricienne qui commençait hier. Oh! Donc oui, 31e saison de la LIM. Le 28 septembre dernier avait lieu le camp de recrutement de la Ligue d'improvisation mauricienne ainsi que le spectacle de dévoilement des équipes. C'est une belle année. Une belle année attend la Ligue qui fête son 31e anniversaire. Écoutez, on était là hier. Oui, c'était fou, était là. Oui. C'était solide, là. Oui. Les équipes sont totalement ahurissantes. Les quatre équipes étaient là hier, c'était spécial. Mmh. Ouais, hein? Ouais, c'est le showcase. Ah, manquez pas ça pour vrai. Allez là, vous allez voir, ça va être extraordinaire. Et des surprises qui nous attendent aussi. Par exemple, pendant la saison, la scène qu'on connaît traditionnelle maintenant à la lime. Soudainement, pop va devenir quelque chose d'autre. Oh. On sait pas c'est quoi, mais ça va être là pour rendre le tout farfelu. C'est pas mal plus plaisant que les pop-up qu'on a sur l'ordi du co-animateur. Oui. et aussi, il y a un Ouzlime, c'est anyway, le 29 octobre. Oh, que je capote, j'ai hâte. Mon Dieu, je savais pas que ça existait, ce truc-là. Je suis totalement en extase, j'ai vraiment hâte. C'est basé sur l'émission de sketch Ouzlime, c'est anyway aux États-Unis. Mm-hmm. C'est vraiment drôle. Ensuite, la chronique Mieux vaut t'en lire de Marie-Hélène Gauthier. Mieux vaut t'en lire. C'est pour la liaison. Ça se dit. Ben, je sais bien ce que mais je dis. C'est, hein. C'est cocasse, mais c'est pas obligatoire, celle-là. Non, mais je trouve ça plus beau. Mieux vaut t'en lire. Donc, on parle du monde de Milo. Donc, le monde de Milo attirait mon regard en librairie depuis l'apparition du premier tome au printemps dernier. Quelque chose me tentait, mais en même temps me faisait hésiter jusqu'ici. L'hésitation était peut-être due au fait que cette jolie bande dessinée pourrait être classée tant dans la section fantastique que jeunesse. Donc, mon fantastique, je l'aime épique et noir, et je suis plutôt blasée des contes de jeunes garçons abandonnés qui trouvent un passage vers un autre monde, où ils trouveront leur destinée avec un D majuscule. Mais je n'ai vraiment pas envie de me prendre la tête ces temps-ci, et je me suis dit qu'il valait peut-être mieux laisser la chance aux coureurs, même si la prémisse n'est pas des plus originales. Donc, c'est quand même entre les deux pour cette œuvre-là. Cool. Il y a plein d'autres articles autour de ça, mais on termine avec le festival, l'international, non, le OFF Festival, excuse-moi, il faut dire les bons termes, l'OFF Festival de la poésie de Trois-Rivières. La poésie, le lieu de la liberté, mon cœur. Pendant que le Festival international de la poésie grondait et embellissait la région trifluvienne, la 7e édition de l'OFF Festival de poésie de Trois-Rivières faisait quant à elle parler de la poésie en attirant plusieurs fidèles des mots les 5, 6, 11 et 12 octobre dernier au café-bar Le Maudit situé en plein cœur du centre-ville. Nice! C'est frais! Oui! Fresh! Aussi frais que la piscine dans la section des sports, puisque c'était la première coupe universitaire de natation de la saison. Wow! Donc, le vendredi 11 octobre dernier, s'est ouvert la saison de compétition de natation 2012-2013. Est-ce que ça serait pas... D'après moi, 2013-2014, mais bon, qu'est-ce que j'en sais? Hein? Donc, moi non plus. Au CAPS de l'UQTR, avec la première coupe universitaire d'une série de 4... Donc, les Patriotes, ils ont récolté 2 médailles d'argent. C'est peut-être décalé, là. C'est peut-être vraiment 2012-2013, parce que peut-être qu'ils s'entraînent de janvier jusqu'à là pour faire les coupes à la fin de l'année. Ah, ça se peut, ça. Donc, les Patriotes, ils ont récolté 2 médailles d'argent, toutes deux remportées par la nageuse Caroline Lapierre-Lemire, dont on entend beaucoup parler. Ils se sont classés au 4e rang parmi les 7 clubs de natation universitaire participants. Hein? Rien de moins. Rien de moins. Donc, à surveiller les 3 prochaines coupes, parce qu'il y en a 4. En soccer masculin, Stéphanie, les Patriotes sont quand même en bonne position. Mais oui, Jean-Philippe, la formation masculine de soccer a commencé la première fin de semaine d'octobre en remportant un match à l'extérieur. Les Patriotes ont par contre perdu leur match local. Mm-hmm. C'était Stéphanie Paradis pour Info, c'est fou. Toujours en soccer, mais féminin, Stéphanie. Les Patriotes triomphent contre l'Université Laval, semblerait-il. Effectivement, Jean-Philippe, les Patriotes ont commencé le week-end avec une défaite. Mais les filles de Ghislain Tapsobar remportaient le match local. Donc, c'était une victoire contre Québec. voilà. Point de vue hockey, c'est pas aussi reluisant qu'en soccer, puisque les matchs sont difficiles pour clore la pré-saison. Effectivement, Jean-Philippe. Avec plusieurs nouveaux joueurs, une nouvelle équipe d'entraîneurs et un nouveau système, l'équipe de hockey des Patriotes doit bâtir une formation compétitive en s'appuyant sur de nouvelles bases, Jean-Philippe. Mm-hmm. On pouvait donc s'attendre à des matchs... C'est écrit Jean-Philippe dans le lead. Ben oui. On pouvait donc s'attendre à des matchs préparatoires durant lesquels plusieurs essais étaient à faire. Par contre, ils ont aussi débuté la saison en hockey, mais malheureusement, Jean-Philippe, 2 défaites crève-cœur en Ontario. Mais oui. Donc, l'équipe de hockey des Patriotes a amorcé sa saison régulière en Ontario en fin de semaine dernière. Donc, la troupe de Marc-Étienne Hubert a subi 2 revers face aux formations de Guelph et de Western, respectivement vendredi et samedi dernier. Audrey s'était pris enregistré puis que c'était comme inséré. Donc... Alors que l'UQTR avait bien entamé chacun des matchs, ceux-ci se sont soldés par la marque identique de 5-3 en faveur de leurs adversaires. Et puis, on retourne un peu avec la une du journal, puisque le championnat provincial de golf, on a un premier titre pour le RSEQ pour M. Rouillet. Effectivement, Jean-Philippe, le capitaine de l'équipe de golf des Patriotes, Francis Rouillet, je sais pas trop si on prononce le deuxième I. Je sais pas moi non plus. Est revenu couvert d'or du championnat provincial universitaire de golf qui s'est tenu le 22 et 23 septembre dernier sur le terrain de l'Université Bishop à Lennoxville. C'est donc une troisième année que la formation trifluvienne s'envolera vers Winnipeg pour le championnat canadien. Hein? Hein? Et en 7 ans, avec les Patriotes, c'est la meilleure équipe que j'ai vue, disait Pascal Garneau. Intéressant, Stéphanie. Ben... Qu'on me couvre d'or! Parce qu'il est revenu couvert d'or. Ah oui, qu'on même dans Astérix. Au lieu de... Parce qu'il avait perdu, il l'aurait jeté au crocodile. Oui, exactement. Ou au crocodile. Crocodile. C'est comme rouillé, il faut dire relier. Relier. Relier. Voilà, donc sur vos effectivement et tout, la capsule Zone Campus est présentée par... Non, tu sais, quelque chose de commandite, là. Tu sais, à la fin des bulletins de nouvelles dans les autres radios, c'est tellement mauvais. Halls. Halls. Halls. Oui, c'est rempli de petits jus pour votre gorge. C'est un Halls you can eat. Oh! Oh! Je pensais pas que t'allais en sortir une drôle le matin. Hey. Merci Mathieu. La confiance. Oui. Travail d'équipe. Oui. Donc, Zone Campus, volume 9, numéro 4, en kiosque du 15 au 28 octobre 2013. Ça veut dire maintenant. C'est entre là et jusqu'au. C'est ce que ça veut dire? Oui. 28 octobre. Il y aura un autre numéro qui va sortir logiquement le 29 octobre. Toc-toc. Toc-toc. À rentrer. Oh, toc-toc qui est là? Zone. Zone qui? Zone campus. Zone puis campus s'en vont en bateau. Zone ton ballot qui reste. Campus! Oui! Zonecampus.ca pour le blog. Merci Stéphanie Paradis, rédactrice en chef. Ça fait plaisir, Mathieu Plante, webmestre et homme à tout faire. Et gars qui roule sur sa chaise. Oh, qui parle. Il spin. T'es une laveuse. Oui. Je pensais que t'allais faire des jeux de mots de pin à la place de spin. Ah oui. Ça me faisait peur. C'est quand t'as mis à tout, là, qu'on arrête de... D'avoir des malaises. Gâcher vos matins. On gâche vos matins, mais vos matins, par contre, t'aimes bien ça. Bonne céréale. Oh, ça se passe. Merci, Papi. C'est l'assemblage requis. Oui, ça c'est fou. C'était Jimmy Hunt et Nos Corps en 10e position francophone. Au retour, Lily Brunet-Saint-Pierre et L'Aplomb dans la tête. Assemblage requis. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. C'est fou. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour, il est 8h34 en ce mercredi matin du 16 octobre 2013. Et lui, ben, il s'appelle Jean-Philippe Charbonneau. Et lui, ben, c'est Mathieu Plante. On essaie de changer son nom pour quelque chose de plus court et plus concis. Ça marche pas. JP Char. JP Charm. Bono, comme on l'a déjà appelé aussi. Ouais. Le chanteur de Bon Jovi, je pense. C'est pas mal ça, Bono. J'étais plus sûr de où je m'en allais avec ça. Bono, Bon Jovi. Ouais, tu t'en vas là. C'est ça. Lily Brunet-Saint-Pierre, bon matin. Bon matin. Bienvenue dans nos studios pour une deuxième fois. Oui, merci. Oui, et on est très heureux de te recevoir pour parler de tes articles dans le Zone Campus. Et on en a sauté un. Ben oui. Donc, on va y revenir en premier. C'est L'Aplomb dans la tête, le nom de ta chronique que tu fais dans le Zone Campus aux deux semaines. Ouais. Tu t'amuses? Ah, je m'amuse follement. Tu t'amuses avec... Tout ce matin. Oui. Oui. Ah, j'ai du fun, là. Du gros fun, à lever oui, de bonheur oui. demain pour venir nous parler. Je suis <t'en> Donc, on vient sur le numéro d'avant où tu nous parlais de ton problème de comment dire, contravention, stationnement, voiture, en tout cas? Oui, tout ça ensemble. Ouais, mettons, c'était oui. quoi ça, cette histoire-là? Ça s'appelait le parcomètre, mon meilleur jeu de mots de l'année. Oui, à la radio, ce jeu de mots-là, il faut quand même l'expliquer un peu plus, oui. je pense. Hein? Oui. Parcomètre, comme un maître. Oui, parcotré d'union maître. M-A-I-T-R-E, pas oui. M-E, accent grave. Non, c'est ça, comme mon maître. Oui. Oui, qui me fait souffrir. Et non M apostrophe, être, ouais, exactement. Ouais. Oui, c'est ça. Tu vas donner toutes les déclinaisons oh, possibles. Ça aurait pu être très philosophique quand même. Il y a le bonheur pour tout le monde. Oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi ouais, ça. Ben, j'ai juste vraiment un problème. Je pense que je suis trop dans la lune. OK. En gros. En Parce général. Que moi, j'oublie, en fait, que les parcomètres, ça existe, ça. Donc, t'arrives de, tu stationnes, tu te dis, bon, tu te dis rien, en fait, tu y penses juste pas, c'est ça. Je me dis, moi, je m'en vais là. Je me stationne. Je m'en vais, puis là, je fais, oh, OK. Fait qu'imaginez-vous, si je sais, pensez-vous, d'après vous, que je sais quel jour on est dans la semaine, tu sais. Là, mettons, je te demande live, on est quel jour, là? Vers le milieu de la semaine. On est le lendemain de Billy Talent. Oui. OK. On avait congé lundi, puis c'est encore plus mêlant. Hein? Oui. Bon, je pense qu'on est mercredi. Mais imaginez, pensez-vous vraiment que je sais à quelle heure il faut payer par comment maintenant? On a payé plus ça dans l'année rendu là, par exemple. Mm-hmm. Non, c'est ça, ça va loin. T'sais, comme je dis dans l'article, mon père, il me dit hey, mets plus d'argent, tu prends pas de chance. Puis ouais. je suis comme. Là, j'ose pas y dire, mais tu sais, j'en mets même pas d'argent, là. Je comprends pas, t'sais. Zéro. Zéro, ouais, je gâche, ça t'a donné une contravention de combien de centaines de milliers de dollars, ça, là? Ben, en fait, ça fait plusieurs années que ça dure, mon problème, tu sais. Un problème de santé mentale, ça se règle pas comme ça, monsieur. Ah, OK, excuse-moi, je voulais pas t'offusquer, là. Faut passer par plusieurs étapes. Faut réaliser, premièrement, qu'on a un problème, l'avouer. Ça, ça m'a pris beaucoup de temps. Trouver Dieu, quelque part là-dedans, je pense. demande ça. Juste après la phase du déni, genre. Ouais, c'est ça, mais j'ai dénié longtemps, là. Mais cela dit, j'ai vraiment honte, là. Je vais pas vous dire. Un okay, montant. Je comprends. Mais juste vous dire que la dernière fois, en fait, j'étais absente pour aller chercher mon auto à la fourrière. C'était une très, très bonne raison pour vrai, quand parce même. Que ça t'aurait coûté encore plus cher si t'étais venu à l'émission, en fait. Oui, ouais. C'est ça. Mais ça m'a coûté assez cher, merci, parce que j'avais des tickets dans trois villes différentes. T'es collectionnes-tu? C'est comme les dés à coudre? Oh oui, j'ai des photos, même. Mais j'avais un petit peu honte de mettre ça dans le journal. Mais oui, c'est ça, j'ai vraiment un problème. Là. Mes parents savent plus quoi me dire, ça me comme. Paye-les. Ben oui. Puis j'ouvre pas mon courrier. Fait que c'est comme un enchaînement de problèmes qui s'embriquent un dans l'autre. Puis qui font que ça coûte bien cher à la fin de l'année. Tout ça pour dire que là je change. Ah oui? Oui. Tu prends en main. Oui, j'ai une nouvelle auto. Mm-hmm. J'ai vendu mon auto Lève. Ils me retrouveront pas. Non, c'est ça. Mais là, je me suis dit, là, il y a un changement dans ma vie. Là. Mais là, je me force puis je prends pas de ticket. Cela dit, j'ai pas mis du parcomètre juste à l'instant. Bon, tu vois. Mais, ouais. C'est ça, je l'ai vu venir. Je trouve ça tellement niaiseux. Les parcomètres? Oui. Oui, OK, je pense que ton problème. Mais non. Ouais. Vous voyez, encore un peu de déni. C'est ça. Bref, ça parlait de tout ça, toutes les étapes que j'ai passées au travers. Parce qu'à un moment donné, j'étais comme, je laissais même ça dans mon. Dans mon windshield. C'est pas français pantoute. Non, c'est pas très windwinder. Non, mais c'est ça, je laissais ça là, puis j'étais comme, non, ça existe pas, tu sais. Tout le monde me disait, hey, t'as un ticket dans ta ville. C'est une publicité. Garde, mêle toi de tes affaires, OK? C'est pour un rave, là, voyons, ouais, c'est ça. Non, c'est ça, puis ouais. La cour municipale, évitez ça. payez vos tickets. Allez pas là. Ils sont pas là pour t'aider, ben, eux autres. Hein. Ah, c'est d'un compliqué rare. C'est ça l'affaire, c'est que moi, je veux pas payer parce que je veux pas me compliquer la vie, mais à la fin du compte, je peux passer 2 jours au téléphone avec la cour puis la sac, puis tu sais. Mais moi, c'est 2 jours d'affilée et tu fais ça, tu te donnes une shot, alors que sinon, tu l'aurais peut-être étiré, tu en aurais plusieurs appels ouais, à faire. Mais je vis de mon compte d'une shot aussi. Ouais. Mais bref, on est mieux d'en rire, mais pas trop. Faut que j'arrête d'en rire, je fasse de quoi. C'est ça. Botte-toi un petit peu. Mais là, je veux faire de quoi, là. Faut que je change ça. Si on peut t'aider, on peut toujours faire quelque chose pour toi, genre te le dire quand tu viens faire ta carrière. J'ai un ami qui m'a offert de s'occuper de mon courrier. OK, déjà, c'est un bon départ, oui. Ouais, d'ouvrir mon courrier, de payer mes tickets, de me dire à la fin du mois combien ça coûtait. Puis il a dit, comme ça, au moins, tu dépasseras pas, tu sais. Puis moi, je te prends 10%. Je dis, ben là, t'essaies vraiment de me crosser. Ben oui, hein. Ça t'es pas si mal. Mais ton copain, il peut plus d'argent que toi, hein, j'imagine. Ben non, je pense pas. Non, c'est ça. Pas parce qu'il cherche un job. Ouais. Donc, on peut lire cet article-là, parcomètre, sur zonecampus.ca. Maintenant, on peut chercher avec ton nom, il y a un petit menu déroulant. Tu fais Lily Bruna Saint-Pierre, puis tous tes articles sont là. Ben oui. Oui, ça va super bien. Génial. Donc, revenons à l'article de cette semaine qui est dans le journal qui vient de sortir. Donc, hier. Et celui-là, c'est sur le féminisme. Le monstrueux féminisme. Rar. Tout comme représenté sur la belle caricature. C'est oui. Joli. Oui. Oui, de Zwicky. Super, de belles caricatures. Vous pouvez la regarder sans lire l'article si ça vous tente pas. Oh. Mais elle est écœurante. Oui. Le texte est tout aussi beau à côté, donc lisez-le. Oui, ben c'est bien le fun. Ben, c'est ça, j'avais envie d'aborder le sujet tellement touché. Qu'est-ce que c'est? Encore, qu'est-ce que c'est pas? Je parle tellement français, moi, matin. Ça va bien? Mais oui, c'est ça, le féministe, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas dire, hein, tu sais. Ben, les gens n'osent pas l'avouer qu'ils sont féministes. Les gens, y en a qui ont des préjugés que tu peux, si t'es un gars, tu peux pas être féministe, premièrement. T'sais. Oui, tu peux encourager ça, la cause. Et c'est comme tu peux encourager le combat contre l'homophobie, même si t'es pas homosexuel. Oui, puis même, je trouve que ça démontre que t'es très, très bien dans l'homme en toi. Exactement. Oui, quand même. Ça te fait pas peur. C'est comme ça pour n'importe quoi. Ça peut être sur les handicaps, ça peut être sur n'importe quoi. Oui, exactement. Ouais. Puis c'est ça, j'avais envie d'aborder ça, l'espèce de phénomène selon lequel il ne faut absolument pas dire que tu es féministe parce que là, tu t'attires des foudres innombrables, tu t'attires des préjugés super négatifs. Les gens se font une idée de toi assez vite. Puis pourtant, quand que je parle à des filles autour de moi qui veulent pas se dire féministes ou qui sont comme « Oh mon Dieu, non, tu sais. » Puis là, on en parle 15-20 minutes, puis je suis comme « Ben moi, je vois ça de même, moi, je vois ça de même. Pour moi, c'est ça le féminisme. » Puis ils sont comme « Ah, oh, ben, dis comme ça. » Ben, justement. Ben, justement. Qu'est-ce que c'est pour toi, le féminisme? Ben, le féminisme, pour moi, c'est ça, c'est bien des affaires. Mais tu sais, c'est plus, c'est ça que j'essaie de relater dans l'article, c'est plus comme dans les années 70, tu sais. J'ai regardé beaucoup de sites web d'organismes d'approche féministe. J'ai appelé l'Institut de recherche sur les femmes. J'ai appelé la table de concertation des femmes. Puis, tu sais, pour du monde super extrémiste, il n'y avait personne qui pouvait me dire une définition du féministe. T'sais. C'est pas le cliché, genre la fille qui se rend pas les jambes puis qui. Non, c'est ça. puis c'est pas, tu sais, je veux dire, si ça avait été du monde super extrémiste, tu sais, j'aurais appelé, c'est quoi votre définition du féminisme? Hey, tu sais, il l'aurait su, là. Il aurait sorti quelque chose. Ouais, c'est ça, tu sais, il aurait dit, nous, c'est ça, tac, tac, tac, tac. Mais c'était pas ça pantoute, c'était vraiment, ah, oh, ben, ouf, ça doit être écrit en quelque part quand on a fondé l'organisme. Mais nous autres, on fait de la recherche sur les femmes, on recherche l'équité, tu sais, on veut atteindre l'équité salariale, on veut que tout c'est le monde. On veut que tout le monde soit traité égal, qu'il n'y ait pas de préjugés. Puis c'est même pas rien que pour les femmes, là. Souvent, c'est des organismes qui sont écologiques, qui vont se prononcer contre le racisme, contre toute forme de discrimination. Fait que pour moi, c'est ça. Puis j'ai un peu donné la définition de la marche mondiale pour les femmes, qui est une marche qui se fait annuellement partout dans le monde. Puis ils ont signé des déclarations, puis ils ont établi une charte des femmes pour l'humanité en 2004 en Inde. Parce que c'est vraiment chaque année dans une ville différente dans le monde. C'est toutes des femmes partout dans le monde et des hommes partout dans le monde. Puis dans cette charte-là, là, on peut voir ce qu'elles recherchent. Ça, c'est vraiment une poursuite d'idéal. Moi, je pense, les féministes, c'est de poursuivre, de se dire on va essayer de faire des choix, puis on va essayer de se battre un peu pour faire des changements de loi pour qu'on puisse atteindre une certaine équité. Oui, c'est presque un combat sans fin, parce que même si certaines choses changent, il reste d'autres choses à régler quand même, puis il va se créer d'autres problèmes avec le temps, parce qu'il y a quand même des gens qui sont arriérés puis qui vont vouloir vous faire reculer. Oui, mais en même temps, tant qu'on a peur du terme féministe aussi, ça n'avancera pas fort la cause. T'sais. Exact. Puis c'est plate, parce qu'il y a bien du monde autour de moi que quand tu regardes ça, puis sont féministes, puis tu sais, dans le fond, dans leurs valeurs, mais ils n'osent pas dire le mot, parce que le mot fait peur, tu sais. Fait que c'est ça, je voulais un petit peu démystifier ça, puis en rire un peu, puis mettre des mots là-dessus, là, puis dire là, c'est juste ça, tu sais, pourquoi vous avez peur de dire ça, tu sais, on sait que c'est pas mal relié aux stéréotypes des années 70, pour ça qu'on a peur, là, puis on se fait juger, tu sais, qu'on se le dise, mais c'est on ça. On se fait toujours juger pour tout. Quand on s'informe un peu, des fois, on se rend compte que ça a bien de l'allure, ben moi, je trouve. Ouais. Donc, pour en savoir plus, on lit ton article dans Zone Campus aux deux semaines. Celui-là, il va être en kiosque jusqu'au 28 octobre. Et on peut le contacter via le blog zonecampus.ca. Oui, puis... Non, tes articles sont là, mais on peut t'écrire. Oui, puis sur le blog, vous avez une version plus longue. Oui, et avec la grosse image. Oui, c'est ça. Fait que plus complet, mettons, puis ça gaspille moins de papier. Ouais, mais là, regardez la belle caricature aussi, mais c'est sur ça. Internet aussi. Tout est beau partout. Prenez les deux. C'est gratuit. Ben c'est ça. Oui, plus t'en as, mieux c'est, moi, je pense. Ah, bon point. Donc, Lily Brunet-Saint-Pierre qu'on retrouve aux deux semaines ici les mercredis à 8h30. Oui. Voilà, et on te remercie beaucoup. Ben, ça me fait plaisir, merci. Bonne journée. Bye bye. Dans quelques minutes, on va avoir Sébastien Dulude, son. Certains diraient pendant masculin, certains diraient dans le même genre, juste pour ceux qu'on les a mis ensemble. D'habitude, il était à la semaine en alternance avec Lily. On l'a remis avec elle, mais c'est tantôt. Cool, hein? Oui. Pour l'instant, on s'en va entendre, on s'en va entendre une chanson comme ça, du palmarès francophone que je te laisse choisir, Jean-Philippe, parce qu'on dirait que je te le demande plus de ces temps-ci. Ben oui, c'est vrai, moi j'aurais envie d'un peu de Violette Pie. Ah! Qu'en penses-tu, Mathieu? Oui, ben oui, un CD qu'il va falloir que je cherche longtemps parce qu'ils sont... Ah, voilà! Hey! Je pensais avoir plus long à trouver. T'sais. Non, mais je suis allé comme ça. T'es un gars de même, toi, tu me donnes le premier sur le bar, c'est ça? Sans t'as pas de goût, là, tu fais juste me donner une chanson que t'aimes pas, ça? Non, je l'aime. Okay. Princesse Carnivore. C'est bon. Lave-la. Merci. Ça fait plaisir. Si t'en as besoin d'autres services de même, on va faire jouer d'autres choses. Bon avenant. T'as quoi de même? Même si tu es belle, même si tu es sublime, même si tu es mon sentiment préféré, je ne peux plus te voir, je ne peux plus te voir, même si tu as mis ta petite robe d'été. Il y a des fleurs partout par terre, il y a des fleurs partout sur ta robe. Mais je ne rebrousserai plus jamais ton sentier, mais je ne rebrousserai plus jamais ton sentier. Il y a des fleurs partout par terre, il y a des fleurs partout sur ta robe. Mais je ne rebrousserai plus jamais ton sentier, mais je ne rebrousserai plus jamais ton sentier. Les pieds dans le sable, le soleil jaune d'un dos, rien ne pourrait être plus beau. Ton sourire plein d'émail et ton chapeau de paille, rien ne pourrait être plus beau que toi. Il y a des fleurs partout par terre, il y a du steak partout sur ta robe. Tu es une fleur carnivore, je suis une fleur carnivore. Si tu es belle, même si tu es sublime, même si tu es mon sentiment préféré, je ne peux plus te voir, je ne peux plus te voir, même si tu es ta petite robe d'été. Je ne peux plus te voir, je ne peux plus te voir, je ne peux plus te voir, te voir, te voir, te voir, te voir. Tu es une fleur carnivore, je suis une fleur carnivore. Même si tu es belle, même si tu es sublime, même si tu es mon sentiment préféré, je ne peux plus te voir, je ne peux plus te voir, même si tu es ta petite robe d'été. Je ne peux plus te voir, je ne peux plus te voir, je ne peux plus te voir, te voir, te voir, te voir, te voir. Violette Pie et Princesse Carnivore à Assemblage Requis. Maintenant, ben, tiens, on a parlé à Lily tantôt et là, on va parler avec Sébastien. On l'a dit, c'est deux personnes du Zone Campus qui viennent nous lire parler de leur chronique. Mm-hmm. Sébastien, lui, nous la lit au complet telle qu'elle. Oui. Et ça fait un petit bout qu'on lui a pas parlé. Oui. Tellement qu'on lui a dit, finalement, on peut-tu préenregistrer ça? Oui. On lui a parlé un petit peu plus tôt dans nos studios. Voici Va voir ailleurs, j'y suis. Moi, Alors, salut. Je termine cette semaine avec vous ma chronique qui portait sur Vicky Gendreau, que j'avais intitulée « Vicky was here ». Donc, c'est la troisième et dernière partie de souvenirs consacrés à cette écrivaine Vicky Gendreau. C'est les derniers souvenirs. Lorsque l'année 2012 commence, Vicky se doute pas à ce moment-là que deux événements majeurs vont se dessiner pour elle cette année-là. Elle va publier son premier livre, qui va connaître un très grand succès, et elle va apprendre qu'elle a un cancer incurable au cerveau. Et c'est pas dans cet ordre-là qu'elle va apprendre les événements. Elle est décédée le 11 mai dernier, après 11 mois de maladie. Donc, des souvenirs. Le 3 juin 2012, pendant le marché de la poésie de Montréal, il y a Erika Soucy qui lance un second recueil de poésie, au passage, une petite place intéressante sur Rachel. Et c'est un très beau lancement. Il y a des lectures de poésie, il y a du théâtre, il y a une performance du rutilant et trifluvien Duo Camaro, un band de musique expérimentale slash spoken word avec Alex Dosti et Pierre Brouillette-Hamelin. Mais surtout, les souvenirs que j'ai de cette soirée-là, c'est qu'avant les prestations, j'ai jasé avec Vicky. Je l'avais jamais vue dans cet état. Elle était vraiment comme à la fois surexcitée et fatiguée. Je comprends même pas tout ce qu'elle me dit, puis comme encore tôt dans la soirée. Vicky a de la difficulté à parler. Elle a la mâchoire comme engourdie, paralysée. Elle revient d'un voyage de travail en Abitibi qui lui avait semblé éprouvant. Vicky était danseuse nue, ça je vous l'avais déjà dit. C'est notre amie Catherine qui m'a dit plus tard que Vicky allait vraiment pas bien à son voyage à Rouyn-Noranda. Pour ma part, moi, ce soir-là, mon idée était claire. C'est clair, dans ma tête, Vicky, elle gèle la face, elle a perdu le contrôle complètement. Tu sais, l'expression de la moulée de danseuse, là, je sais pas si vous savez c'est quoi, un petit indice, ça vient dans un petit sac puis ça part à 20$. Puis ça m'écœure tellement d'avoir pensé que c'était ça, en fait, parce que j'avais tellement tout faux. Fait que c'est l'heure des lectures ce soir-là, puis Vicky est super nerveuse d'aller lire son texte. Elle me dit qu'elle même, elle pense qu'elle n'est même pas capable d'aller faire la lecture. Je fais juste lui dire, fais juste lire ton texte, hein, fais juste lire ton texte. Puis elle n'a pas pu. Elle bafouillait, trébuchait sur ses mots, elle les mâchonnait de façon complètement inaudible. Au début, elle ricanait, puis après ça, elle s'était impatientée. Elle essayait comme vraiment très fort de lire un simple foutu texte sur une feuille là, qu'elle tenait à deux mains, puis elle n'a pas pu. Elle a interrompu sa lecture, elle s'est excusée, elle a essayé de rire un peu, puis il y avait quelque chose comme un mélange de détresse puis un vide indéfinissable dans ses yeux. J'avais vraiment le cœur brisé. Un peu plus tard dans la soirée, je suis assis dehors avec Vicky qui fume une cigarette, puis elle me dit qu'elle comprend pas ce qui lui arrive. Moi, je fais juste l'écouter. J'essaye de dédramatiser. Je dis, ça arrive, tu sais. Sans trop de conviction, je me trouve pas bien bon. Puis je bande de voir son texte, elle monte sa feuille. Puis sur la feuille, son écriture est celle d'un droitier qui essaye d'écrire de la main gauche, là, ou l'inverse, là, whatever. Mais ça me frappe. Puis j'ai dit, genre, Vicky, on dirait que t'écris comme une trisomique. Puis je suis comme, ouais, bravo du lutte pour la phrase qui fait du bien. Mais je pense au bout du compte qu'elle l'a pas mal pris, cette phrase-là, parce qu'à son lancement, l'automne d'après, quand Vicky m'a dédicacé son livre, là, qui s'appelle Testament, ben elle m'a dit, hey, t'es dans le livre, c'est quand tu me dis que j'écris comme une trisomique. Donc, quelques jours après cette lecture catastrophe, ça va pas mieux du tout. Puis Vicky est pressée par des amis d'aller à l'hôpital se faire examiner. Puis elle ressort la journée même avec un diagnostic d'une stupéfiante brutalité. Elle a une tumeur au cerveau. C'est une tumeur en nuage qui se déplace comme dans le cerveau. C'est inopérable. Son espérance de vie, ça serait quelques mois. Donc, c'était ça qui se tramait chez Vicky. C'était le cancer. Puis pas n'importe lequel. Le cancer du cerveau, c'est un vrai salaud, hein. Fait que c'est quoi le rapport, là? Ça sort d'où, ce cancer-là? C'est quoi le lien que je comprends pas entre la poésie, les bars de danseuse, mon ami de 23 ans, puis de l'hostie de cancer du crise de cerveau de calice, là? Après ça, c'est un été à recevoir de ces nouvelles par les amis, Catherine, Sophie, Mathieu. On s'est revus, Vicky et moi, en août 2012, alors qu'on participait au même cabaret de la Pègre à Montréal, les soirées de poésie qu'il y a une fois de temps en temps. Le corps de Vicky avait légèrement changé. Elle avait une nouvelle coupe de cheveux à cause des traitements. Là, elle avait raccourci ça, mais je la trouvais vraiment très belle. J'y ai dit. Ça m'a un peu rassuré parce qu'elle semblait pas si mal. Je veux dire, en fait, j'ai comme trouvé vraiment sexy. Elle avait des petites shorts jaunes puis une petite chemise. Puis sa lecture était vraiment inspirée avec une petite touche théâtrale. Son texte faisait rire puis faisait mal en même temps. C'était du grand Vicky Gendreau. Ses testaments qui étaient en train de prendre forme à travers la maladie, les traitements, la mort qui approchait. Et c'est ce qui a donné à l'écriture de Vicky un élan inouï, absolument urgent. Le lancement de Testament, donc, après ça, a eu lieu, c'était fin septembre. Il y avait une foule monstre dans la petite librairie. Ben, c'est pas une petite librairie, c'est au port de tête sur Mont-Royal. Vicky avait l'air vraiment épuisée. Elle était comme pas capable de prendre une pause tellement il y avait de monde. Puis elle dédicaçait lentement les livres un par un en leur offrant plein d'amour et de fennec à chacun. Ça, c'est un inside qui vient du livre. Puis elle avait le corps pas mal plus enflé que le mois d'avant, là, quand on s'était vu. Puis à chaque fois que j'allais la revoir, je serais vraiment bouleversé de l'observer, toujours plus transformé par ses traitements. Ensuite est venu le Off Festival de poésie de Trois-Rivières en octobre. Elle venait chaque année. Et puis elle a lu un texte puis qui vraiment nous a rentré dedans parce qu'on pouvait plus ignorer la maladie. Un extrait de son texte. « Qui es-tu? Qu'es-tu? Je veux me mettre tout nu pour l'artiste, monsieur. Je veux qu'il me voie nu à mon tour. Je peux faire ça, me mettre nu. » C'est plus long, moins fluide qu'avant, mais je peux le faire. Je suis bien bonne là-dedans. The sun is shining every day sur cette peau tachée. Tachetée. Ouais, j'ai des vergetures. On dirait que je me suis pogné Wolverine dans les toilettes. Puis après ça, ben, elle dormait chez moi. Fait qu'elle m'avait demandé de la raccompagner du maudit où est-ce qu'il y avait le off, là, jusqu'à mon appart après le show. Elle se couchait pas trop tard. Puis on a marché tous les deux vraiment comme super tranquillement. Je me concentrais sur chaque détail parce que je me disais que je voulais rien oublier plus tard. J'ai pas oublié qu'elle m'avait dit sur le chemin, tu sais, c'est juste être malade, hein? C'est comme n'importe quelle maladie, là. C'est juste plate être malade. Puis après, il y a eu un silence, puis elle a dit, c'est juste une maladie, sauf que je sais que je vais pas guérir. Juste avant le temps des fêtes 2012, j'ai reçu une carte de Noël de toi, Vicky, avec un pénis de Noël dessiné dedans, puis ton écriture de trisomique. J'ai ri, je te trouvais vraiment niaiseuse. C'était vraiment tellement juste trop gentil de m'envoyer une carte de Noël. Je t'ai jamais donné de cadeau, moi. Puis on est allé souper plus tard chez Brisebois, à Louisville, avec Dusty, Mathieu, Sophie. C'était fin décembre ou début janvier. Je pense que c'est début janvier. J'étais tellement content de te revoir. Je te regardais cuisiner. Tu cuisinais tout le temps super bien. Tu étais patiente. Tes gestes étaient lents, mais ils étaient gauches un peu. Mais tu étais complètement là. Tu manquais aucune joke là, au passage. Là, nous autres, on niaisait avec les tests de personnalité des revues Filles d'aujourd'hui là, que Sophie avait retrouvé de ses affaires des années 80. Puis tu disais que tu voulais publier 10 livres. Puis j'étais comme tellement prêt à te croire. Là. Puis après le souper, bien, on était dans le salon. Je mettais de la musique. Puis tu t'es bercé juste à côté de moi. J'ai pris ta main. Je t'ai envoyé des nouveaux poèmes en mars 2013. Des poèmes blancs, des poèmes d'hiver. Juste pour que tu les lises. Puis tu m'as répondu par courriel. Là, tu me disais, là, je suis pas contente. L'hiver, c'est pas ton sujet, puis tu le sais. Fais-moi saigner des yeux comme dans les poèmes pour ton père. Fais-moi violence. Puis j'entends tellement ta voix quand je relis ce courriel-là. Je t'ai répondu. Je t'ai dit, le livre qui va sortir au Rodrigol, c'est une petite maison d'édition, le livre qui va sortir au Rodrigol, ça va te faire mouiller des yeux, je te le promets, beauté. C'est gluant as fuck. Puis ben, c'est ça, c'est sorti en juin dernier. T'as manqué ça de pas beaucoup. Bientôt, j'aimerais faire publier ces petits poèmes d'hiver-là, mais le prochain livre, là, celui d'après, Vicky, là, ça va être pour les morts, je te promets. 30 avril 2012, 11h du matin, on est à l'Espace Libre, rue Folhomme à Montréal, puis c'est rempli à pleine capacité. On est venu entendre ton nouveau livre, qui s'appelle Drama Queens, qui va être lu par trois actrices de théâtre, dont Erika. L'atmosphère est chargée. Je suis nerveux de te revoir. La photo de toi sur le programme me prend complètement au triple. T'es presque plus reconnaissable. À l'entracte, je t'ai fait la bise. Je t'ai dit quelques mots. Je t'ai dit que je t'aime. C'est le dernier toucher. C'est les dernières paroles. Mais ça compte pas. Ça compte pas. C'est ce moment-là, il nous ressemble pas. Ça nous ressemble pas. C'est pas à ce moment-là de la journée qu'on était proches pour la dernière fois, de toute façon. Non. La dernière fois où on a été proches cette journée-là, toi puis moi, c'est quand j'ai entendu les dernières pages de ton livre, insupportablement triste, d'une beauté inconcevable, qui m'ont secoué de sanglots impossibles. C'est quand je braille de tout mon corps puis je te vois en bas des gradins dans ta chaise roulante, avec tes yeux roses. Non, avec tes cheveux roses. Je vois pas tes yeux. T'as ton diadème. Puis c'est quand j'ai tellement mal d'entendre ton livre puis qu'en même temps, je veux tellement pas qu'il finisse. Puis j'entends même plus l'actrice le lire. Je t'entends toi. Puis je te vois toi. Et puis là, je le sais que c'est la dernière fois. C'était Sébastien Dulude et sa chronique « Va voir ailleurs, j'y suis ». Dernière chronique sur Vicky Gendreau, ça termine ben, évidemment très, très mal. Oui, final à frisson. C'est ça, on t'encourage que c'est pas nécessairement une histoire très, très heureuse, tout ça. Vous pouvez retrouver Sébastien Dulude dans Zone Campus aux deux semaines, ici même à Assemblage Requis, aussi aux deux semaines, c'est les mercredis à 8h45. Une semaine sur deux. Et puis pour lire ces trois chroniques, vous pouvez aller sur le blog zonecampus.ca. Oui, bien sûr, et likez-le sur Facebook, tout est beau, tout est parfait, sauf pour l'histoire de Vicky Gendreau. À la semaine prochaine, dans deux semaines, pardon, on va revenir avec un sujet un petit peu moins triste. Oui. Ce sera la chronique trop facile dont on a parlé tantôt avec Stéphanie Paradis dans la chronique Zone Campus. Maintenant, on prend une petite pause. On revient avec Sex Smith, ça devrait répondre là. Merci. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bon retour à l'Assemblage requis en ce mercredi 16 octobre 2013. C'est Jean-Philippe Charbonneau. Il est Mathieu Plante. On peut pas amener Stéphanie Paradis là en passant aussi. On peut pas amener Stéphanie Paradis. Non. On peut pas amener le sujet qu'on a mentionné, qu'on discutait, dont on discutait hors onde, en onde, parce que c'est un petit peu trop touché. Est-ce qu'on peut le remplacer par le mot pipeau? Parce qu'évidemment, on parlait d'une autre chose qui commence par pi ou p dans l'entre-genre. Hein? On va remplacer masculin. Par. Oui. Donc, imaginez-vous dans votre tête qu'on dit ce mot-là, mais à la place, on va dire pipeau. Donc, allons-y avec des chansons de Noël. Les amis, chorale, go! So the people outside is frightful. Next. Mon beau pipeau, roi des forêts. Oui, à Mathieu, c'est à toi. Petit pipeau Noël. Ah, c'est le pipeau de Noël des campeurs. I wish you a pipeau Merry Christmas. I wish you a pipeau Christmas. Ça se dit moins bien. C'est un Merry Pipeau. Un Merry Pipeau. Wish you a Merry Pipeau. C'est moins beau, pipeau. On pourrait le faire en rap aussi. Yo, yo, yo, pipeau, yo, yo. Chose comme ça. Ouais. C'était plus le fun en rond. Ah. C'est le Noël des campeurs chez C'est Fou. OK. Got to think about love. Got to see the way you play. Le petit pipeau, nez rouge. Gosh, gosh. To hear you say, are you trouble at home? If I make no hesitation when you ask me now to think about love. I don't think about love. When I see you kiss another, it won't matter. Promise not to think about love par Baja Boulat à Assemblage requis sur C'est Fou. 81 FM. Pipo. Maintenant, voici, ça existe, mais ça devrait répondre là. ready? Oh. Yes, I am ready. Are you ready to rumble? OK, yes! Tout le monde suit les liens... Pipo Plante. Mathieu Pipo Plante. Tout le monde suit les liens sur assemblagerequis.com. C'est la chronique de gadgets inutiles et de solutions à vos problèmes. On appelle 5 espèces de réponse. Là, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que tu regardes? Je regarde toute cette petite page se charger en même temps. C'est très beau. Ah, t'as ouvert tous les onglets en même temps. T'es ouais. Bon, c'est cool, j'aime ça quand tu fais. Moi aussi, je fais ça. Commençons avec Hot Wheels. Vous connaissez en fait les voitures Hot Wheels, Steph et JP. Oui. Oui. C'est voiture pour jeunes enfants. Donc, il y a un nouveau model kit, si on veut, qui vous permet d'être des enfants qui travaillent dans une usine. Tu sais, les enfants qui travaillent à construire les petites voitures. Donc, c'est vraiment des bâtons de cire qu'on insère dans cette machine-là et ça va donner, ça va chauffer. C'est un moule, dans le fond, ça se fait dans un moule. Et le corps de la voiture, la carcasse, elle va pouvoir ensuite être personnalisée avec un châssis et des autocollants. C'est le fun, hein? C'est vocal, cette affaire-là, ça va te parler, ça va te donner les étapes pour construire ta propre voiture. Ça prend environ 8 minutes pour changer un bâtonnet en voiture. Et sur Amazon, ça coûte $40 américains. Chaque kit vient avec 10 petits tubes de cire, 2 moules, 3 châssis et 3 feuilles de autocollants. Wow! Ça fait des petits autos en cire? Ça fait des petites autos en cire, mais genre de cire de plastique, ouais. Le style, là. OK, ben j'allais dire, ça fond pas dans les doigts, genre. Non, mais c'est chauffé, ensuite, j'imagine que tu dois le refroidir d'une façon ou d'une autre, là. Peut-être le mettre dans le frigidaire. Je sais pas. Mais c'est une belle alternative aux imprimantes 3D. Tu vois? Oh. Pour 40$ pour l'ensemble, c'est pas cher. Pas cher. Ensuite, tiens, vous voulez savoir ce que les autres gens font dans la vie. Votre vie n'est pas assez intéressante. Vous devez savoir ce que les autres font. Donc, c'est une nouvelle montre qui vous donne une perspective un petit peu sur la vie des autres. C'est Average Days, une montre par Mr. Jones, une compagnie. Et donc, le devant de la montre Average Days va suivre le format du 24 heures. Et quand le disque tourne, il y a une petite fente, si on veut, qui va révéler une activité commune qui est faite par la plupart des gens à cette heure-là, précisément. L'information est obtenue par les données compilées par le Center for Time Use Research. Donc, par exemple, je sais pas, il est... mettons 7 heures le soir, la petite femme va te dire que les gens font à souper. Il est 4 heures l'après-midi, les gens font le lavage à cette heure-là. Tu sais, genre... Mm-hmm. Mais tu peux peut-être être influencé, ça peut être cool si tu vois que les gens font beaucoup de ménage. Tu peux faire comme... Ouais, ah, ben moi aussi, je suis dû. Ouais, me semble, tu sais, si c'est propre chez les autres, je voudrais pas avoir honte pour ma visite. C'est ça. Puis, tu sais, si ça pouvait écrire, genre, bon, ben, les gens écoutent Star Academy, écoutent Occupation Double à cette heure-là, tu pourrais être vraiment comme le typique petit mouton québécois fait la même chose que tous les autres petits moutons québécois. T'sais. Écoutez, voilà. Assemblage requis. Oui, oui, c'est ça, c'est pas des moutons qu'on appelle, c'est des requins. Requins. Différence. Oui. Donc, seulement 100 montres Average Days ont été fabriquées. On peut présentement l'acheter en ligne sur le site de Mr. Jones pour 231 $ américains. T'as-tu dit combien de montres? 100 montres seulement. Et c'est encore disponible, ça veut dire que personne ne l'achète. Non, mais je veux dire, ça, est-ce que ça dit seulement ce que les autres personnes avec la montre? Non, c'est vraiment selon l'étude qu'ils ont fait sur plein de gens. C'est vraiment... J'étais comme, sinon, c'est pas très représentatif. Là. Non. Et de toute façon, se l'es-tu vraiment? Je veux dire, il faut qu'il y ait quelque chose pour chaque heure de la journée. Là. Fait que littéralement, à chaque heure, il y a une activité que tu fais. Si, mettons, moi, pendant genre 8 heures, tu dors. T'sais. Mais ça doit pas être écrit que tu dors pendant 8 heures. Ben non, mais il y a le petit pipi de nuit. Il y a le petit verre d'eau. Le petit pipo, donc pipi et eau, le pipo. Oui. Pipo. Ouais, ben il peut avoir un petit pipo aussi des fois dans la nuit. OK. Ensuite, tiens, ben parlant de pipo et de choses qui nous font aller aux toilettes. Hein? C'est un petit peu trop précis comme lien ici, mais chez Taco Bell. S'il y a un endroit qui t'envoie aux toilettes, c'est bien Taco Bell, n'est-ce pas? Du Mexicain en général, pour certains. Donc Taco Bell, c'est bien le fun avec les tomates, la salade, etc. Mais si je vous disais Taco Bell et crème glacée, caramel, coulis de chocolat, c'est Taco Bell qui, aux États-Unis, vend un emballage en boîte pour faire vos propres chocolate tacos, vos desserts tacos. Wow! C'est cool, miam! C'est comme une grosse sandwich à la crème glacée, extra crème fouettée. Tellement! Et c'est chez Walmart aux États-Unis qu'on vend ça. Donc, il y a deux sortes, en tout cas, que je vois en ce moment. C'est le chocolate taco avec sauce au chocolat, coquille de chocolat et des sprinkles de bonbons. Et t'as l'autre à la cannelle. C'est donc, t'as un truc à la cannelle, la coquille. Ensuite, t'as la sauce au caramel et des morceaux de toffee. Oh, on dirait un essai de nachos. Mais c'est ça, c'est un nachos à la cannelle. C'est malade. Cool. Wow. Pour vrai. Donc, c'est pas des kits, dans le fond, c'est pas tout fait. C'est vraiment, ils donnent chaque affaire que t'as besoin dedans, sauf la crème glacée et la crème fouettée. Donc, c'est pour ça que le kit coûte seulement $3. Non, pas cher. Ensuite, vous avez besoin de refroidir une bière en moins d'une minute. Tu sais, des fois, il faut mettre ça au congélateur pendant 10-15 minutes. C'est trop long. Trop long. Donc, ce petit gadget-là, c'est le Spin Chill. C'est dans le fond un bout pour mettre après ta drill. Donc, oui, c'est ça. C'est un drill bit with a cap on the top avec un bouchon sur le dessus. Donc, tu vas remplacer le bouchon de ta bière par le bouchon du Spin Chill. Et tu fais tourner ça. Et apparemment, que ça va refroidir. Ça va être, c'est sur Kickstarter. Faut la bite tout seul, 12$. Avec soit une version pour les bouteilles ou pour les canettes. Et t'as la Beer Wet qui se vend 35$ et qui peut refroidir soit des bouteilles ou des cannes. Ça, c'est l'espèce de ce qu'on voit dans la vidéo. Plus le kit complet. La Beer Wet, c'est la. Est-ce que c'est la petite. Je pense pas que ce soit le cooler. Non, je pense pas. Ben, non, ça serait trop facile. Trop facile. C'est un cooler. Ouais, mais. Là, tu spins quelque chose dans ta bière. Là. Moi, ouais. Je pensais que ça ferait de la boue. Non, c'est ça. C'est que tu fais tourner la bière. Dans le fond, elle est déjà ouverte. Tu fais tourner la bière dans le truc de glace. Oh. Et ça fait refroidir la bière en dedans d'une minute avec la vraie glace dans le cooler. OK, je comprends. Spin chill. Je comprends. La vidéo est plus claire que mon explication. Ouais. Ben oui. Mais quand même. C'est comme un genre de faux bouchon. Tu ouvres la canette, tu remplaces le bouchon. Je sais pas si j'y crois. Non? Moi non plus. Je sais pas. Moi non plus. Mais c'est ça. Je suis sceptique. Sur Kickstarter, ça a l'air de quand même bien fonctionner. Donc, les gens ont l'air de croire en ce produit-là. Ils ont ramassé 3 fois l'argent prévu. Et il reste encore 37 heures. Ils sont à 33 000 sur 10 000 $. Spin chill. Mon Dieu, les gens sont tombés alcooliques. Ah, tellement. Puis on apprécie ça, tu sais. Ensuite, ça c'est cool, c'est pour faire des effets sonores sur sa propre personne. C'est le Mega Stump Battle qui est d'une petite boîte avec une baguette magique qui émet des effets sonores quand tu marches. Donc, tu peux faire agiter la baguette. Et puis, il y a 10 sons dans la banque de sons. Donc, t'as, mettons, un chevalier, un gros monstre, un pirate, et chaque banque de sons. Donc, la banque de sons a 10 sons sur un sujet précis. Et puis, donc, 6 sons par différents types de mouvements, comme marcher, attaquer et plus. Et donc, quand tu marches, ça peut faire des. Mettons, quand tu piles la terre, ça va faire un son. Puis, quand tu bouges la main avec la baguette dans ta main, ça va faire un autre son, comme d'attaque. Comme quand tu veux frapper quelqu'un. C'est comme pour vivre un genre de dessin animé humain. Tu peux commander le Mega Stone Battle chez ThinkGeek pour 40$ américains. C'est cool. Bon, non? Je le sais, Gré. Je sais pas. J'aurais mais on doit cette année vite. Ouais, sûrement. J'aurais envie d'aller entendre les effets sonores, si ça vous tente. Oui. Je pense que ça pourrait être pertinent. Attention, ça s'en vient juste là. Son Mega Stump Battle. Le gars est en train de marcher et chacun de ses pas fait ça. Et c'est en temps réel. Et quand il fait aller les mains, il y a une baguette dans sa main, donc il affronte un monstre, ça fait un bruit à chaque fois qu'il fait un coup de poing. It's Mega Stomp Battle. Think he's walking. OK, voilà, donc c'est cool. Wow. Quand même des effets intenses. Réaliste. Oui, c'est réaliste, mais d'après moi, après 5 minutes, t'es déjà tanné. Ouais. Ça se peut, mais les enfants, c'est tannent moins vite que nous autres. Hein? Ouais, oui, c'est ça. Ouais. Ensuite, ceux qui ont de la misère à prendre une décision, on prend souvent la boule magique, Magic 8 Ball, qu'on brasse et, pour savoir, bon, mettons, bon, tu me le redemanderas plus tard. Ou clac, clac, clac, clac, non, clac, clac, clac, oui, tu sais, etc. Les boules 8, oui. Okay. On me regarde avec un regard de pas sûr de ce que c'est. Ben oui, c'est oui, juste que je trouvais que t'étirais ça beaucoup trop. Il y a des gens qui savent pas c'est quoi le Magic 8 Ball. Donc, c'est le Executive Decision Maker Pro qui vous permet de remettre votre destinée entre les mains d'un gadget, mais beaucoup plus simple, c'est seulement oui ou non. Donc, t'appuies sur le bouton Decide et le EDM Pro va flasher soit oui ou non pendant 4 secondes. Si t'appuies sur le bouton Reset, ça va repartir tout de suite une autre réponse. Donc, tu peux y demander plusieurs questions de fil. Oui, non, oui, non, oui, non. Et le design, donc, tu peux acheter le kit pour le fabriquer toi-même. Ça coûte $57.50. Le design est sur le site de Vague Rearg sur assemblagerequis.com. Donc, tu peux le kit prêt à assembler là, est celui qui coûte $57.50. Sinon, tu peux le faire pour beaucoup moins cher en prenant les plans sur le site. Mais c'est pour te faire ta propre boule 8 magique. Ou encore moins cher, prends 25 cents puis l'efface. Ah, ouais. Ça coûte 25 cents. C'est un peu moins beau. Mais ça coûte 25 cents. Ça coûte 25 cents. Mais t'as pas besoin de prise électrique. T'as pas de shipping sur le 25 cents non plus, il y a déjà dans ta poche. Mais ça se peut qu'à un moment donné, tu décides de le mettre dans une machine à bonbons qui gobe tout. Super. Si la décision doit être est-ce que je vais chercher des bonbons ou pas, je pense pas que tu vas faire pile ou face, tu vas juste y aller. Hein. C'est surtout que t'as 25 cents. Fait que pourquoi t'en empêcher? Les chats aiment ça jouer avec un iPad. Des fois, on les a vus sur YouTube. Qu'est-ce que... Non, les chats. Jack Yes. Les chats, en effet. Donc, des chats, des jeux pour iPad, ça existe pour les chats. Bon, on est dans un paquet d'autres comme ça. Ici, c'est Kitty Casso. C'est un kit de peinture pour les chats. Donc, il contient 5 tubes de peinture non toxique acrylique, du papier, un cadre... Et bien sûr, une surprise jouet, une petite souris pour votre chat. Il y a toujours une chance, peut-être, qu'il va potentiellement faire un chef-d'œuvre que vous allez pouvoir vendre sur eBay. C'est n'importe quoi. C'est, j'en reviens pas. Mais non, mais imagine, tu mets les pattes de ton chat dans la peinture puis il décide qu'il se sauve, là, qu'il va pas sur la toile. Oui, mais c'est marqué qu'il n'y a aucun mess. Aucun mess, dégâts. Non, non. Toxic. C'est sûr que ben, non. Ben oui, ben oui. C'est parce qu'il connaît pas mon chat. Ça coûte 20$ américains pour Kitty Casso. Et il y a une version pour chien. Et là, ils sont complètement passés à côté de la traque. À la place, appelé ça Poppy Casso, comme dans Picasso. Ils ont appelé ça Pop Casso. Oh non, oh. Décevant. Vraiment, là, je comprends pas. Sûrement une question de copyright pour pas se faire poursuivre par la famille de Picasso. Ben oui. Now they can. C'est marqué ça. Make a great gift. J'en reviens pas de ce qui est marqué sur la boîte. Maintenant, ils peuvent enfin peindre. Ils ont toujours voulu peindre. Oui, c'est ça. La libération des chats. Enfin. Et important de souligner, le chat a un petit béret sur la tête. Oui. Est-ce une moustache? Il y a toujours une moustache, un chat. Hein? Ben. Toujours une moustache. Ouais. Ensuite, un petit lecteur MP3. Tu sais, des fois, c'est difficile d'aller sur ton fil écouteur, appuyer sur prochaine pièce. Tu sais, pièce précédente, monter le volume. C'est beaucoup de mouvements de main, pour rien. Oui. Si tu pouvais, à la place, fermer la bouche, marcher pour faire changer de pièce ou de volume. Ouais. Là, je te jure. C'est Split. C'est un petit lecteur MP3 qu'on contrôle sans affichage, sans aucun bouton. C'est par Greenwing Audio, donc c'est magnétique. Donc les deux collent ensemble, t'es sûr de pas en perdre, ou encore de perdre les deux si t'es pair, évidemment. Et puis c'est ça, donc sans affichage, tu contrôles en fermant la bouche. Donc tu vas pouvoir mordre une fois pour sauter par-dessus une pièce, deux fois pour changer le volume. Et tout ça fonctionne par l'accéléromètre sur trois axes installés dans les écouteurs. Donc les écouteurs avec ta position de joue va se rendre compte que t'as mordu. Ben, mais c'est pas gossant voir ça tout le temps dans la bouche? T'as rien dans la bouche. Mais je comprends pas. Les trucs pas. Sont dans tes écouteurs et ça détecte par l'accéléromètre la position de ta mâchoire. Ok, comme quand tu peux sur tes tentes, c'est sens exact. Ah, ouais. C'est bien bizarre. Faut pas que t'écoutes de la musique puis tu sois stressé. Non, c'est ça. Ou que t'aies froid. Ouais. Ou que tu fasses la mélodie des chansons des fois avec ta mâchoire. Moi, je fais tout le temps ça. Ouais, j'ai comme un trou obsessif-compulsif de mâchoire. Mais tu pourrais écouter aucune chanson avec ça. Non. Juste des petits bouts. Et ça se charge par USB. Une charge dure 4 heures. C'est évidemment, vu que c'est tout petit pour mettre dans ton oreille et le lecteur MP3 est dans ton oreille, ça, c'est seulement 256 MB ou environ 24 chansons. Et vous pouvez pas, évidemment, manger en même temps que vous écoutez de la musique non plus. Non, effectivement. C'est sûr, Kickstarter jusqu'au 31 octobre. Quand même cool. Ensuite, ça, on aime ça. Quelque chose de culinaire, de nourriture rifique. Donc, c'est des petits dip clips, des mini-bols qu'on attache à peu près n'importe quelle assiette pour y mettre des trempettes, des vinaigrettes, des sirops. Tu sais, quand tu manges et que tu veux plusieurs... Moi, j'ai du genre à vouloir plusieurs sauces en même temps. Ouais. Dans l'assiette. Donc, je me mets... Contente pas juste d'une sauce. Jamais. Donc, je me squirt plusieurs types de sauces dans mon assiette et ils finissent tout le temps par se mélanger ou toucher à des aliments que je veux pas que la sauce touche à. Dégalasse. You know? Donc, le petit bol dip clip sur le côté de mon assiette pourrait vraiment faire mon bonheur. Il y a 4 couleurs assorties. C'est joli. Non? Oui. Good. C'est quoi les couleurs? C'est quoi les couleurs? Vert, jaune, rouge. Vert aussi, ça, je sais qu'il y a un vert. Oui, il y a un jaune, il y a un orange et il y a un rouge. On était proches ensemble, hein? Oui. Je crois qu'on a mis 4 photos sur le site, hein? Ouais. Ben, j'étais pas là-dessus, j'ai déduit. Okay. J'ai essayé de déduire. C'est tout le temps les couleurs de base. C'est ça, j'allais dire primaire, mais c'est sûrement pas les couleurs primaires, fait que bon. Ensuite, une boîte, c'est cool. Les chats aiment les boîtes, mais les humains aiment aussi les boîtes et aiment recevoir des paquets par la poste. Des petits paquets. Donc, quand tu ouvres une boîte, ben, il pourrait y avoir n'importe quoi dedans si tu sais pas ce que c'est, parce que ça, c'est une mystery box. Oh! Une boîte mystérieuse. Il y a 9 thèmes de mystery boxes desquels choisir. C'est les cadeaux parfaits pour quelqu'un qui, dans le fond, a déjà tout ou que tu sais pas quoi lui acheter. Il y a des surprises dedans. Il y a quelque chose, tu sais pas c'est quoi qu'il va y avoir dedans. Par exemple, il pourrait y avoir un thème, je sais pas, sur le barbecue, le rasage, la salsa. Donc, il y a un paquet de styles de boîtes. T'as différents. Tu peux choisir, en fait, le style. Pour 25 livres sterling, tu peux avoir la boîte Fun and Games. T'as la Spicy Box et la Unusual Box. Pour 35 livres, t'as Food Porn. Steph, tu serais prêt? Food Porn. C'est de la bouffe vraiment sexy. Et Home and Lifestyle. Et tu peux aussi précommander la Booze Box et un paquet d'autres, donc de l'alcool. Et oui, c'est marqué, il y a un petit pop-up en bas de l'écran en ce moment sur firebox.com. Oui, nous shippons au Canada. Oh! Mystery Box. Ah, c'est cool. Je sais pas, d'un coup, t'es déçu. Ouais, mais tu sais, ils doivent garantir un minimum le contenu. De plaisir. Ouais, c'est ouais. Ça. Sinon, de pouvoir le renvoyer, j'ose espérer. Ouais. Tout en payant le shipping toi-même. Parlant de boîte qui pourrait vous intéresser, et ça, c'est complètement le contraire parce qu'il n'y a rien d'intéressant dedans. C'est une boîte vide de iPhone 4S. Et là, sur eBay, en ce moment, Oui, sur eBay, en ce moment, on peut acheter une boîte de iPhone 4, iPhone 5, mais vide. Et ça vaut environ 7$. Donc, si vous avez acheté un iPhone récemment, vendez votre boîte sur eBay. Voilà. Mais 7$. Pourquoi, tu sais? Les gens veulent flasher avec la boîte de leur iPhone. C'est quoi, tu traînes ça partout, puis, ouais, check ça, je viens d'acheter un iPhone. T'as mis sur le bureau. Ouais. Ouais. C'est quelque chose. Il y a un Android de poche dans ta poche. En tout cas. Ensuite de ça, continuons notre chronique Sex Message de réponse là de gadgets inutiles avec une façon de prendre vos amis oiseaux en photo, des photos de proches d'un oiseau. Ben c'est difficile à prendre soi-même, hein, vous le savez, il faut avoir un bon zoom, il faut avoir un appareil photo de qualité pour réussir à prendre un oiseau qui bouge très très vite et qui est très très loin. Donc ici c'est le Bird Photo Booth. Dans le fond c'est une machine, une affaire pour nourrir les oiseaux, tout ce qu'il y a de plus commun, avec une place pour mettre votre iPhone ou une GoPro. Donc il faut fournir sa propre caméra, mais au moins votre caméra va être protégée des éléments extérieurs. Une fois qu'elle est dedans, vous allez pouvoir accéder à votre caméra à distance via Wi-Fi ou Bluetooth. Et puis ça coûte 150$, c'est quand même cher pour prendre des photos d'oiseaux, mais quand même ils vont vous fournir le macro et une lentille polarisante pour vous aider à prendre de meilleures photos. Wow. Je ne connais rien en photo. Ça donne ça. Écoute, ben déjà ça peut pas donner ça parce que c'est niaiseux, ils montrent le tour de la lentille, de l'objectif. Ce qui est totalement ridicule. Est-ce parce que tu penses pas que c'est l'intérieur de du feeder, du truc pour nourrir les oiseaux? Il y a peut-être un rond dedans, puis la caméra est dedans, fait que tu vois le pourtour de plastique. Non, tu verras pas le pourtour. C'est comme quand tu regardes dans des jumelles, tu vois pas le pourtour, mais dans des films où les petits bonhommes, ils montent le tour juste pour qu'on comprenne que c'est dedans. Exactement. Et deuxièmement, je doute très fort que la mise au point se fasse au bon endroit sur l'oiseau, parce que ça bouge beaucoup. C'est de la macro. C'est extrêmement délicat de prendre une bonne photo d'un oiseau. Faut que t'aies l'œil clair et je doute très fort que ça fasse la mise au point dans l'œil. Donc, ça va être des photos floues, je vous le garantis. Mais ça ne coûtera que 150$ pour l'essayer. Ouais. Non, mais je vous le dis tout de suite, ça ne marchera pas. OK, parfait. C'est bon, t'es là pour nous remettre les pieds sur terre. Ensuite, tiens, quand la pluie te prend par surprise et que t'as pas ton parapluie, t'as seulement ton foulard, mais là, t'as acheté le rain scarf, donc t'es vraiment content. C'est donc un foulard à pluie, oui. C'est un foulard à double utilité, si on veut. Une surprise cachée à l'intérieur. Donc voilà, tu le portes comme un foulard régulier. Et quand tu commences à mouiller, t'as qu'à le transformer en petit manteau de pluie, si on veut, en flippant tout ça à l'envers. L'intérieur est fait de tissu résistant à l'eau. Évidemment, c'est du nylon. On dit que ça va être assez protégé de la pluie. C'est quand même beau. En plus, il est disponible en rose et aussi en gris. Et c'est présentement sur Kickstarter où on demande 29$ pour avoir votre propre rain scarf. J'aime vraiment ça. Ça serait mon genre de cossin. C'est pas un cossin, c'est utile. Un utilitaire. C'est un cossin. Sport. Rain scarf. Ils sont présentement à 15 000$ de leur but de 3 000$. Donc, ils ont vraiment pas mal dépassé leur compte. Wow. Il leur reste encore 23 jours. Donc, vraiment, c'est un succès instantané, le rain scarf. Ensuite, le contraire complet, c'est un rouleau de papier de toilette doré. Oh. Oui, un rouleau de papier de toilette doré, 22 carats. Hein? Donc, évidemment, on pense que c'est une blague. Tout le monde sur Internet dit que c'est une blague. C'est un site australien qui vend ça pour 1 376 900 $ australiens, ce qui veut dire 1,3 million $ américains. C'est ça, on ne croit pas que ce soit vraiment un produit, mais ils disent quand même sur le site qu'ils vont livrer le rouleau de papier de toilette avec une bouteille de champagne si vous l'achetez. Ben, c'est ce prix-là, hein? On se cotise. Belle soirée. Ouais. Ouais. Aïe. Ensuite, on parlait de choses qu'on portait autour du cou. Cette fois-ci, c'est quelque chose qu'on porte autour des yeux. Vous vous rappelez peut-être de ça, j'en ai parlé il y a quelques mois, sinon années, dans l'assemblage requis, dans cette même chronique. C'était la ostrich pillow, qui était une grosse affaire. Ça ressemblait à un genre de hoodie gigantesque qu'on s'insérait par-dessus la tête. Et tu pouvais te coucher sur une table et ça te barre, dans le fond, des bruits et de la lumière, de tout ça. Mais pas de l'oxygène. Sauf de l'oxygène, bien sûr. Et c'était quand même assez gros. Là, ils l'ont rapetissé. C'est la version 2.0. C'est vraiment juste un genre de gros bandeau molle tonner, si on veut, de la ostrich pillow. Light, que ça s'appelle Light. Et donc, à la place d'être gros et de couvrir tout, ça couvre juste tes yeux et tes oreilles. Est beaucoup plus portable. C'est fait de tissu très, très doux et de micro-billes, de silicone. Bref, je sais pas trop. C'est du tissu, bref, là-dedans. Et ça peut aller à peu près à n'importe quelle taille parce que ça s'étire. Ça s'étire. Et voilà, et ça vous barre du monde autour de vous. C'est pour 44$ pour dormir, mettons, au bureau. Subtilement. Ben, oui. C'est ça, c'est que c'est pas nécessairement fait pour être subtil. Par contre, tu vas te faire juger, c'est sûr. Oui. C'est sûr. Mais en même temps, tu l'entendras pas parce que ça coupe les bruits. Bon point. Voilà. Ensuite de ça, tu veux faire bouillir de l'eau, tu veux te faire du café le matin, mais tu veux rester au lit un petit peu plus longtemps. C'est toujours le fun de faire un snooze, hein? Oui. Toujours le fun. Donc, la High Kettle, qui est une bouilloire, si on veut. Ouais, non, c'est pas mal, pas juste si on veut, on le veut. Connectée par Wi-Fi, on appuie sur un bouton sur son téléphone intelligent et on peut partir, dans le fond, la bouilloire. À distance de l'autre côté de la maison sans même lever le pied. Ça, c'est quand même cool. Oui, l'installation est super simple. Il y a une protection auto-shut-off au cas où tu finis par dormir trop longtemps, genre passer par-dessus ton heure prédéterminée. Tu as 4 paramètres de température et ça coûte 160$. Faut quand même que tu aies pensé la veille avoir mis de l'eau dedans. C'est exact. Ouais. Donc, il existe au pire déjà des cafetières, non? Tu mets l'eau dedans avec le café et tu dis à telle heure demain matin. Oui, mais c'est pas des bouilloires. Là, donc, si tu veux pas te faire du thé, ouais, des breuvages chauds, comme on appelle dans le domaine. Dans le jargon. Dans le jargon médical. ensuite, ça, c'est fabuleux pour les personnes qui aiment faire du de la gorge profonde, comme on appelle. Deep throat, c'est un terme sexuel pour insérer ton dans le de la bouche d'une... Mais non, je pense qu'on avait compris avec gorge profonde. Là. Donc, c'est pour rendre votre gorge moins sensible, en fait. C'est comme un peu de l'anesthésie, c'est bien ça? Anesthésie. Ah, oh, mais ça se trouve déjà dans les... Ah oui, facilement. Ouais. Je connaissais pas. Mais en tout cas, Comfortably Numb Deep Throat Spray. Je savais pas que ça existait. Ouais, tu peux te désensibiliser... La gorge. Voilà. Et ça peut être aussi bon pour les Georges qui veulent faire des trucs avec d'autres Georges. Fait que tu peux c'est un esprit pour aller désensibiliser d'autres endroits. Tu vas te foutre de tout à la fin, tu vas être désensibilisé complètement. Tu vas... Je vais m'en spoucher partout. Je m'en spray. C'est tanné de taper au clavier, tu peux t'en mettre sur le bout des doigts. quand on joue au Lego, on change tout de sujet, genre. On joue au Lego, c'est difficile de se ramasser à la fin. Là, tu te ramasses tout le temps avec un morceau de Lego dans le pied, c'est déplaisant. Oh là là. Donc, c'est Toy Dozer, qui, selon la compagnie qui fabrique, a un design unique permettant aux enfants de nettoyer leur Lego du sol. Donc, ça coûte 15$. C'est comme une genre de petite pelle. Avec, d'un côté, un couvercle. Et le couvercle est utilisé comme un genre de rebord qui facilite la prise des, évidemment, des poussières ainsi que des blocs Lego. Pour vrai, c'est dégueulasse parce qu'il est sur du tapis sur l'image. En tout cas, je crois que c'est du tapis parce que je vois du plancher en arrière. C'est pas génial. Mais bref, donc, la pelle va ramasser les Lego dans la pelle. Et puis, c'est à peu près la même grosseur, finalement, qu'une vraie boîte de Lego qu'on peut voir sur l'article assemblagerequis.com où on pourrait potentiellement faire exactement la même chose avec juste une boîte de Lego normale. Mais bon, puis un morceau de carton. Un bras de l'autre bord. Ououais, c'est ça. Ouais, c'est bon. En tout cas, ils vendent ça 15$. C'est juste la boîte, là? Ça vient pas avec des pièces? Non, c'est ça. C'est juste la boîte. C'est le Toy Dozer. Toy Dozer comme un bulldozer. Ouais. Admettons que tu fais une recette au Lego puis dis ça prend une pelletée de Lego dans tes biscuits. Ouais. Deux pelletées de morceaux de Lego, exactement. Dans le même genre, et je les ai mis ensemble pour cette raison-là, c'est un balai qui est aussi un porte-poussière en même temps. Tu te rappelles, la semaine passée, JP, on avait parlé de... c'était un râteau qui ramassait ses propres feuilles. Oui, oui. C'était belle fun. Ici, donc, un balai qui ramasse sa propre poussière. Ça, c'est le fun. C'est le Flipside par la compagnie Quirky. Quirky, qui, en passant, vous reconnaissez peut-être le nom parce qu'ils vendent des produits en ce moment même chez Walmart. Oh! En ce moment, il y a des produits Quirky. Dans le fond, c'est un site collaboratif où les gens peuvent proposer des idées et les idées qui ont le plus de succès vont être produites par la compagnie Quirky. C'est cool. Donc, Flipside, produit de nettoyage qui combine un balai et genre une microfibre à la Swiffer dans un seul appareil. Et vous utilisez le balai pour balayer les débris et ensuite vous bottez la base du Flipside pour le convertir en microfibre pour finir le tout. Donc, c'est comme pas vraiment un porte-poussière. Non, c'est plus un ramasse petite poussière. Parce que je pense que si t'as des gros morceaux, ça gobera pas les gros morceaux. Moi, c'est ça, microfibre, ça ramasse pas tout. Moi, je regardais ça, je me disais, pour la litière du chat, mais non, ça devra pas ramasser les... Non, c'est pas assez pour ça. Grenailles de litière de chat. Ben, en même temps, si on regarde vraiment la vidéo en ce moment, je l'avais pas regardé encore. Alors j'essaie de voir si ça ramasse la poussière en tant que telle. Non, je pense pas. Mais ce qui est le fun, c'est qu'il y a même un petit genre d'accotoir, si on veut. En haut du bâton, genre de truc de caoutchouc que tu peux descendre l'accotoir et comme ça, quand tu l'appuies contre la table, c'est ajustable à la hauteur. Donc, ça va vraiment s'accoter contre la table sans tomber. Oui, ça, je trouve ça génial parce que qui n'a pas accoté un balai puis qui n'a pas sacré le camp? Oui. Genre, tout le temps. Ben, c'est tout le temps. Là, t'entends. Puis là, t'es comme... donc, très, très bonne idée. C'est sur Quirky, comme on disait, pour 30$. Vraiment, moi, je trouve que c'est cool. C'est vraiment le fun. Mais j'aimerais que quelqu'un l'essaie devant moi. OK. Puis là, après, je saurai si ça vaut la peine. Mais okay. C'est intéressant. Ouais. Ouais. Ben, tu sais, si on se fie aux produits, comme je disais, Quirky, qui sont chez Walmart dans la section d'électronique, en tout cas, j'imagine que plus tard, il va y avoir des produits dans d'autres sections, peut-être. Et ça pourrait être un qui serait présentable là-bas, parce que pour vrai, c'est une très bonne idée. Et pour terminer, pour les paresseux comme moi qui n'aiment pas s'entraîner, peut-être êtes-vous pareil à la maison où vous soyez. C'est un Lazy Boy style divan, genre, mais qui est aussi un gym personnel. Oh! Donc, vraiment, tu peux t'entraîner avec ça. Ça coûte 1 400 $. C'est le Chairmaster. Un recliner avec des équipements d'exercice à l'intérieur pour faire 50 différents exercices. Évidemment, vous ne les ferez pas nécessairement. Non. Moi, ce que je... Ben, je voulais pas te couper, moi. Vas-y, vas-y. C'est fait, hein? Trop tard. Ce que je sens pas comme matériel, on dirait du cuir. Tu sais, je sais pas, on dirait que tu t'entraînes. Chaud, hein? Oui, on dirait que tu t'entraînes sur un divan de cuir. Il me semble que c'est pas le fun. Yeah. Puis après ça, tu veux pas te rasseoir là. Ben, comme dans les gyms, j'imagine qu'il va falloir instaurer la règle du tu dois essuyer. Ouais, tu dois essuyer, ouais, exactement. En de là. Donc, cet accessoire, dont des élastiques de résistance, un mini stepper là, pour faire des steps, des trucs qui se mettent de velcro autour de la cheville avec des poids. Donc, workout, exercice. Oh, il y a même un vélo. Oui, ben c'est ça, je me demandais si ça venait avec. Il doit avoir plein d'options. D'après moi, ça vient en dessous de la chaise, je pense, le vélo. En tout cas, il y a plein de petits compartiments là-dedans, puis il y a même de la place pour mettre ta bouteille d'eau sur le côté. J'imagine sûrement ta télécommande aussi, parce que tu t'entraînes en regardant... Ton popcorn. Les docteurs, ouais, c'est ça, ton popcorn. Donc, c'est le Chairmaster, comme je disais, à 1 400 $. Retrouvez les liens sur assemblagerequis.com. Toutes les notes sont sur la page. Simple à trouver dans la chronique 5, mais ça devrait pas, on l'a. Voilà. Been there, done that. That's all. Ben, l'émission est terminée, Colin. Le temps a passé vite aujourd'hui. Quand même. Oui. Bon, on va se quitter là-dessus. On va se retrouver, évidemment, à l'émission de lundi. Parce que là, on a une émission lundi. C'est pas comme la semaine passée, cette semaine où on avait... Ah non, c'est vrai, demain, on est jeudi. Demain, on est jeudi. Pourquoi je disais ça, non? Je sais pas. Je sais pas. Bizarre. Je me trouve étrange un peu d'avoir pensé ça. La semaine passe vite, mais pas si vite que ça non plus. Donc, demain, à l'émission, on est jeudi. On va avoir la nouvelle chronique de Justine Renaud, Justine aux platines. Oui. Qui déménage au matin. Était au Palmarès, c'est fou avant, là. Puis maintenant, Steph. Non, je m'ennuie déjà. Je le sais, c'est triste. C'est vraiment plat. Donc, Justine Renaud et Justine aux platines à 7h30 demain. Ensuite, David Ferron et sa chronique La langue dans ton oreille. Il va être remplacé par Gustave, par contre, cette semaine. Oh! Ouais. Oh! Donc, à 8h. À 8h30, François Landry et sa chronique politique Claude Gracie 101. Ensuite, à 9h, Joanie Gagnon et les spectacles à voir dans Alors on sort. Voilà. C'est demain. Soyez-y à partir de 7h30, en direct à 7h30. Parce que je me suis trompé le premier coup. À partir de 6h30, direct à partir de 7h30. On est à 6h30, oui. Mais en direct à partir de 7h30, c'est ça. Voilà. Restez sur nos ondes. Dans quelques minutes, à 10h, ce sera Les Précieuses Ridicules. Ensuite, à 11h, Le Dîner de Con et Dany Janvier. À 13h, Connaître Ensemble. 14h, Le Voyage Insolite, suivi de la vie en monde. Non, pas de vie en monde, pas en tout. Il n'y en a pas, cette semaine. À 16h, c'est le Mathieu Planchot avec moi et Maria Picard. Ensuite, à 17h, Stéphanie va être de retour pour les Palmarès et Fou édition Top 5. OK, oui. C'est vrai, ça. Et en soirée, c'est Rap Fusion à 19h. Autre chose à dire, les amis? La programmation complète. www.cfou.ca. Moi, parle de ça. Vous voulez pas me dire bonne fête? Oh, c'est vrai! Ah! Colin! Bonne fête, Pipo! Non, j'ai pas de Pipo. C'est Sushi. Ok, on recommence. 1, 2 et 1, 2, 3, 4. Bonne fête, Sushi! Sushi! Sushi! Sushi! Sushi! Bonne fête, Sushi! Avec du riz tout le tour, puis du petit poisson dedans qui fait blou blou. Puis du gingembre. Bonne fête! Ok, ben à demain. Bye Mathieu, à demain. C'était drôle ça. Si l'émission était... Là, parce que là, on est en rond là, en ce moment, j'imagine. Oui. Ouais, oui. En tout cas, moi, aux dernières nouvelles, moi, je pense que je vois pas la pancarte en rond allumée. Sûrement parce qu'elle est à l'extérieur de la porte et au-dessus de mon champ de vision. Mm-hmm. Mais ça a bien été. Oui, oui, ça a été une bonne émission, Mathieu. Sushi, je sais pas si elle a été offusquée par mon petit poisson à l'intérieur d'elle. Oh, ça ah, ben non, j'ai un seul petit poisson. Ah, t'es encore là, toi? Ah! Oui, un petit poisson. Ça... Blou. Blou.